compétitif pour votre santé. Attention à l'abus d'alcool. Sans modération maintenant, bien sûr, la météo avec Jérémy Suliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour ça vous à tous. Fait rire, ça. Ça me fait rire, effectivement. J'entendais déjà le bruit de bouteille et tout. Non, pas du tout. Hop là, on va les oublier parce qu'aujourd'hui, François, on va sortir son parapluie, son caouet. Globalement, c'est la grisaille et la pluie qui vont dominer. On va retrouver les pluies orageuses dans toute la journée. C'est pas beau. Autour là, de la Méditerranée. On pourrait y attendre quand même la fin de la météo avant d'ouvrir la bouteille, Jérémy. Avec modération, toujours, bien sûr. Il faut bien se consoler. Je vous rappelle que les Bouches-du-Rhône et le Gard encore en vigilance orange, orage, inondation aujourd'hui. De la pluie, on va en retrouver encore ce matin au nord de la ligne Nouvelle-Aquitaine Grand Est. Des averses pouvant être localement accompagnées d'orages. Et puis au cours de cette journée, le temps instable va se déplacer. On va le retrouver entre le Massif central, l'Alsace et la Franche-Comté. On va amener avec lui des orages et de possibles averses de grêle. En revanche, sur la moitié nord du pays, le ciel sera variable tout au long de cette journée, alternant entre nuages, éclaircies et quelques averses ponctuelles. Pour les températures, au nord, fraîcheur, au sud, chaleur. Ce matin, compte entre 9 et 18 degrés, cet après-midi entre 16 et 26. On attend 17 degrés à Lille, 18 à Paris, 19 à Strasbourg, 20 à Lyon, 23 à Marseille et la maximale 26 degrés pour la Corse à Ajaccio. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 11h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Malaisie. 14h45, rugby top 14 Clermont-Castres. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1 PSG Bordeaux. Et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. C'est RMC, il est 8h, toute l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour, les agents de la RATP et de la SNCF autorisés à travailler armés et en civil, la mesure entre en vigueur aujourd'hui. Plus de 10 000 bureaux de vote ouverts pour la primaire de la droite et plus de 4 millions d'électeurs attendus venus de la droite, mais pas seulement. Un retour aussi attendu que redouté, les ultras du PSG de nouveau autorisés à se réunir au Parc des Princes. Rendez-vous dans les tribunes cet après-midi pour la rencontre face à Bordeaux. C'était le décret le plus attendu de la loi Savary. Il a été publié au journal officiel. Aujourd'hui, les agents de la RATP et de la SNCF pourront donc travailler en civil et porter des armes à feu. Ils pourront aussi procéder à des palpations en cas de menace grave à l'ordre public. Des nouveautés qui sont bien accueillies par les usagers. Pauline Baduel. Sur le quai de métro, l'idée d'avoir des agents armés en civil rassure Doumia et Léonard. C'est une bonne nouvelle, surtout au vu de tout ce qui se passe ces dernières années. Le fait qu'ils soient en civil, ça vous gêne ? Non, pas du tout, non. Pour leur métier, c'est peut-être plus facile d'être en civil plutôt que d'être visible de tous. C'est rassurant. Ça évitera peut-être aux autres de faire quelque chose, je ne sais pas, d'agir. Même si ces agents seront formés, Fernando s'interroge sur l'efficacité de cette mesure. Parfois, avoir une arme face à une autre arme, c'est pire. Je suis pas Alain Marceau, spécialiste de la lutte antiterroriste, précise que le rôle de ces agents sera avant tout dissuasif. Ça fait suite à l'affaire du Thalys. On est plutôt à la recherche d'une dissuasion et puis peut-être pour établir une forme de sentiment de protection à l'égard des usagers qui en ont bien besoin. Puis je vous rappelle que 30% des agressions commises contre les personnes ont lieu dans les transports publics. La mise en place de ces agents sera effective d'ici quelques semaines dans le métro et d'ici à la fin de l'année dans les gares et les trains SNCF. Un adolescent de 15 ans placé hier en détention provisoire après avoir été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ce collégien inconnu des services de renseignement avait été interpellé mercredi dans le Val-d'Oise. Il était en lien avec Rachid Kassim, le propagandiste de Daesh. Et un homme de 29 ans a lui été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour avoir incité un de ses correspondants sur Telegram à commettre un attentat. 1 million de visiteurs attendus pour découvrir ce qu'elle sera. La voiture de demain, ouverture ce matin, porte de Versailles à Paris du Salon de l'Automobile. Horizon 2019 pour Manuel Valls. C'est en effet dans 3 ans qu'émergera la ferme d'éoliennes au large de l'île de Groix, un projet expliqué au Premier ministre ce matin en visite dans le Morbihan. Horizon novembre 2016 pour les candidats à la primaire de la droite, un scrutin où devrait d'ores et déjà se jouer l'élection présidentielle. Alors entre les sympathisants de gauche qui souhaitent faire barrage à Nicolas Sarkozy et ceux de la droite, la primaire pourrait bien rassembler près de 10% des électeurs. Un scénario qui n'est pas sans déplaire à l'organisateur de ce scrutin, Thierry Solaire. L'idée l'idée que des gens qui voudraient à nouveau que la gauche gagne l'élection présidentielle viennent participer à ce choix et payent pour cela me paraît parfaitement marginal. Après, est-ce qu'il y a des électeurs déçus de François Hollande qui veulent voter à droite en 2017? Oui, j'en rencontre beaucoup moins d'ailleurs sur le terrain. Est-ce que ceux-là ont leur préférence pour l'une ou l'un des candidats de la primaire du 20 novembre? Probablement. Et est-ce qu'ils souhaitent venir voter à l'élection présidentielle pour notre candidat? Ben, je le souhaite. Parce que par nature, si tous ceux qui ont voté pour François Hollande en 2012 continuaient à le faire en 2017, ça voudrait dire que la droite aurait perdu la présidentielle. Et puis Nicolas Sarkozy dégringole après une semaine noire marquée notamment par la sortie du livre de Patrick Buisson et le reportage de France 2 sur Big Malion. L'ancien chef de l'État perd 12 points d'opinion favorable auprès des sympathisants des Républicains, résultat d'un sondage BVA pour Orange. Des manuels anti-avortement destinés à culpabiliser les femmes et les jeunes filles qui choisissent l'IVG, c'est ce qu'a découvert une lycéenne de Montpellier dans son établissement privé. Les fascicules sont édités par la Fondation Jérôme Lejeune, lobby très actif dans la lutte contre l'avortement. Danielle Gaudry est l'une des responsables du planning familial. Elle dénonce la propagande de ce type de document. Moi, je trouve ça choquant, anormal. C'est pour moi une manipulation. Les femmes sont dans ce livre apparaissent comme des meurtrières. Quand elles prennent une décision d'interrompre une grossesse, c'est un choix qu'elles font. Ça n'est pas un choix dit de convenance, comme il est écrit dans ce manuel. C'est pas une convenance personnelle. Les anti-IVG ont toujours clamé haut et fort publiquement leur opinion. Simplement, il ne faut pas qu'ils essayent de l'imposer à l'ensemble de la jeunesse. Danielle Gaudry avec Martin Cadoret. Être le pire des mafieux n'empêche pas d'avoir du goût. Un des trafiquants liés à la Camorra, la mafia napolitaine, était en possession de tableaux de Van Gogh, ni plus ni moins. Des œuvres que le musée Van Gogh d'Amsterdam croyait à jamais perdues, Romain Cluzel. Les deux tableaux avaient été volés le 7 décembre 2002. Les cambrioleurs s'étaient introduits dans le musée Van Gogh d'Amsterdam en montant sur le toit avec une échelle et en brisant une vitre. Ils s'étaient échappés en descendant le long d'une corde. 14 ans après, les deux œuvres, estimées à 100 millions de dollars, viennent d'être retrouvées dans la propriété d'un mafieux napolitain en fuite. Les tableaux étaient dissimulés dans une cache enveloppée dans des tissus de coton. D'après le musée d'Amsterdam qui les a identifiés, les toiles sont en assez bonne condition malgré quelques détériorations. On ignore le trajet qu'ont connu les deux toiles, mais ce type de tableau invendable sur le marché de l'art sont utilisés comme monnaie d'échange par les trafiquants de drogue. Même si leur date exacte de retour n'est pas encore connue, les deux Van Gogh devraient en tout cas rejoindre leur salle d'exposition à Amsterdam. RMC 8h06. Les ultras du PSG, de nouveau autorisés à se réunir dans les tribunes du Parc des Princes. Un retour redouté, car si ces groupes de supporters avaient été dissous en 2010, c'est bien parce qu'un spectateur avait été tué lors d'affrontements. C'est aussi un retour très attendu. Pour ceux qui veulent plus d'ambiance au parc, c'est le cas de Bernard Lama, l'ancien gardien de but de l'équipe de France. Est-ce que c'est indispensable? Je n'en sais rien, mais est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que oui, parce que ça veut dire qu'il y a du dialogue. Maintenant, les choses ont évolué, on est dans un contexte complètement différent, donc qui est complètement sécuritaire, je dirais. Donc faut l'intégrer. Si les ultras sont capables d'accepter les règles qui vont leur être fixées, tant mieux, parce que il n'y a aucune ambiance et le soutien des supporters, il est primordial. Après, reste à contrôler les choses. Et puis à suivre ce soir pour la 8e journée de Ligue 1, le PSG donc qui reçoit Bordeaux à 17h et à 20h Caen contre Toulouse, Dijon qui affronte Montpellier, Monaco qui se déplace à Metz et Nantes qui joue contre Bastia, Lille accueille Nancy. Les nordistes sont actuellement lanterne rouge, d'où le mécontentement des supporters, ce que comprend tout à fait leur entraîneur Frédéric Antonetti. On attend du public toujours un soutien inconditionnel, voilà. Après, je comprends qu'à un moment donné, il soit pas content, donc voilà. Mais je ne peux pas intervenir sur le public. Je ne peux rien faire. Mais par contre, on essaie de s'améliorer dans le jeu, parce qu'on a des choses à améliorer. À nous de faire en sorte que le public soit avec nous, hein, voilà, par notre comportement. Et hier soir, victoire à l'arraché de Rennes face à Guingamp, 1-0. Un pirate à l'assaut du Vendée Globe. Ce pirate, c'est Jeff Pelay. Il n'a pas pu s'inscrire au départ de la course comme les 31 autres skippers. Qu'importe, Pierre-Yves Leroux, il mettra lui aussi les voiles pour un tour du monde début novembre. Sur les pontons des Sables d'Olonne, certains le surnomment déjà Jeff Sparrow. Mais ce pirate-là n'a pas prévu de viser les Caraïbes. Jeff Pelay rêve simplement, depuis 20 ans, de participer au Vendée Globe. Lors des 4 dernières années, il a cherché des partenaires, acheté un bateau et hypothéqué sa maison. Au début, je l'ai hypothéqué. La semaine dernière, je passais chez le notaire, je l'ai vendu. Donc ce qui reste de la maison est retombé automatiquement dans le bateau. Ça fait beaucoup de dépenses, ouais, forcément. Beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas, lâcher aujourd'hui et prendre le départ, c'est important. Ouais. Un budget trop court, le temps qui file à la vitesse du vent et le sentiment que les organisateurs du Vendée Globe ne laissent plus la place aux aventuriers. Jeff Pellet partira malgré tout quelques jours après les concurrents et nul doute que sur les pontons, ses supporters seront nombreux à l'encourager et lui crier « Non Jeff, t'es pas tout seul ». Le reportage RMC de Pierre-Yves Leroux. RMC, 8h, passé de 8 minutes, l'heure de retrouver François Sorel, les experts et les pronostics. Voilà, et moi non plus, je suis pas tout seul puisque Christian Pesset me rejoint dans une minute. Tiers écarté, quintet plus à Chantilly. Sébastien Larras fait confiance au 15 Super City et au 10 Santa Monza. Brahim Asloum reste fidèle au 3 Écureuil. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 4 Roero et le 13 Indicas. Le 15, le 10, le 3, le 4 et le 13. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant sur RMC, place au week-end des experts. La suite, après le jardin, la maison. Toutes vos questions bricolage, maison, déco au 32 16. Et on va parler entre autres de l'obsolescence de ces objets qu'on a à la maison. Ce sera avec Christian et nos invités. A tout de suite, on est là dans une minute. RMC. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Ah là je suis pas bien, je suis blanc, mais blanc. Comment ça ? Mais comme une endive patron, je suis chez Lidl, et là ça va vraiment pas. Aujourd'hui ils nous font le sachet de 4 endives à 99 centimes. Quoi ? Moins d'un euro le sachet de 4 endives chez Lidl ? Non mais c'est une blague. Ah bah non, c'est le vrai prix. 99 centimes, c'est moins de 25 centimes la pièce, et origine France patron. Avec des endives à ce prix-là, c'est sûr on est pas bien. Hein. Oh, je dirais même qu'on est mal patron, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, Origine France. Jusqu'à demain, les meilleurs pilotes de rallye du monde s'affrontent sur les routes du Tour de Corse WRC avec RMC. Qui empêchera Sébastien Ogier de remporter un quatrième titre de champion du monde? Mikkelsen, Padone et Latvala se lancent à sa poursuite. Suivez le Tour de Corse sur tourdecorse.com, Facebook et Twitter. Le rallye Tour de Corse WRC, c'est jusqu'à demain avec RMC, radio officielle. Pour le magique anniversaire de But, en ce moment, moins 200 euros sur le lave-linge Hublot 7 kg Electrolux. 299,99 € seulement. Bon, dis ça, j'y cours. But, c'est nous. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Il est 8h11, c'est RMC et c'est le week-end des experts qui se poursuit. Les amis, après le jardin, place maintenant à la maison. Christian Pesset, bonjour. Bonjour François Sorel, ça marche mieux en appuyant sur le bouton. Ça fallait, marche mieux. Fallait appuyer, comme disait. Voilà, inconnus. C'est ça. Voilà, fallait appuyer. Donc j'ai appuyé. Bon, vous appuyez, c'est très bien. Christian Pesset qui est là aussi pour répondre à toutes vos questions bricolage maison déco. On vous attend, hein, dès maintenant 32-16, n'hésitez pas. Vous pouvez appuyer sur Enter aussi par mail, maison@rmc.fr pour justement le joindre. N'hésitez pas à nous laisser votre numéro de téléphone aussi dans la foulée, ça sera plutôt sympa. On va retrouver vos questions dans un instant. Nordine est d'ores et déjà avec nous. On va vous offrir un super cadeau, on va vous offrir un laser. Alors oui. C'est pas le laser de Star Wars, non. Je vous le dis tout de suite, mais c'est le laser du bricoleur qu'il faut. C'est un laser automatique 360 degrés, attention. Ouh là là, il est chaud, hein. Il est chaud, hein. 360 degrés, ça y est, ça découpe tout. Mieux que les appareils. Voilà, photo. On va vous le décrire dans quelques minutes. Et puis, tout à l'heure, entre 9h et 10h, une spéciale dépannage. Oui, une spéciale dépannage de vos objets et de vos matériels domestiques. On a beaucoup parlé de l'obsolescence programmée, on va en parler un peu. Et puis, il y a une grande marque, Seb, pour ne pas la nommer, nous allons avoir un responsable, qui a lancé l'idée que, eh bien maintenant, les matériels, leur matériel, notamment tout ce qui est dans l'univers de l'électroménager, eh bien, devait pouvoir être réparé pendant 10 ans. Alors, on va voir effectivement pendant combien d'années on peut espérer faire fonctionner ces matériel. Est-ce que vous pourrez trouver donc des pièces détachées pendant combien de temps? Et si oui, comment se faire dépanner? Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Est-ce qu'on peut faire appel effectivement au SAV, comme on dit, service après-vente de la marque? Attention aux dépanneurs, parfois un petit peu arnaqueur, enfin certains, hein, oui, minorité évidemment. Minorité, bien sûr. Donc on aura... surtout quand on est en situation d'urgence. C'est ça. Par exemple, quand on a sa serrure qui coince, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Exactement. Parce que bon, Il a eu quelques problèmes, ou une fuite. François. Ou une fuite, il en a eu aussi. Finalement, je me demande si les équipements chez François ne se vengent pas. Non, mais vous savez, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Peut-être que vous me portez malheur, finalement, Christian. Ou alors, de façon subreptice, j'envoie des ondes électromagnétiques, évidemment, pour perturber vos matériels. Bon, on parlera de tout ça entre 9h et 10h, bien sûr, et toutes vos questions sur le dépannage dès maintenant. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, le week-end des experts maison, c'est parti, et on accueille Nordine. Bonjour Nordine. Oui, allô, bonjour. Bonjour Nordine. Bonjour Nordine, bonjour, bienvenue. Bonjour François, bonjour Christian. On vous écoute. Alors, je vous appelle, en fait, c'est que j'ai fait ma piscine cet été. Oui. J'ai coulé la dalle autour, en fait, c'était par rapport au revêtement. Oui. Je voulais une couleur plutôt dans les foncés, dans le gris anthracite, gris. Oui. Et je me tâtais à mettre du composite. Oui. Et tous les échos que j'entends, c'est que ça chauffe énormément au soleil et qu'en plein soleil, on peut plus marcher dessus. Alors ça, c'est relativement vrai, mais de toute façon, tout matériau sombre absorbe la chaleur et chauffe. C'est-à-dire que il ne vous a pas échappé que généralement dans les pays chauds, on met plutôt des vêtements clairs, les vêtements sahariens comme on disait autrefois, sont des vêtements clairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le clair repousse la chaleur alors que le sombre l'absorbe. Donc ça veut dire que si vous mettiez un carrelage noir, je dirais que vous auriez aussi une surface qui deviendrait très chaude quand elle est très ensoleillée l'été. S'agissant du composite, c'est encore, enfin, du bois composite, hein, parce que ce sont des produits qui sont, moitié-moitié, c'est généralement les bons produits, avec du PVC ou du polyéthylène. On y ajoute donc de la poussière de bois. On en fait donc un, c'est pour ça qu'on appelle ça composite. Alors ces produits-là, il faut qu'ils soient effectivement d'extrêmement bonne qualité, parce que s'ils ne sont pas d'extrêmement bonne qualité, vous allez avoir des risques de déformation. Et il faut surtout qu'ils soient posés très très correctement, en faisant attention à une chose, c'est que à la différence du bois. Encore que, mais plus que le bois, ils sont soumis à des phénomènes de dilatation. Et donc de déformation, de dilatation en fait différentielle en fonction de la température. Ça veut dire que vous avez une terrasse, par exemple, très très ensoleillée. Alors prenons les cas dans ce moment. Hein, vous avez une journée chaude, il y en a. Il est très ensoleillé, ça chauffe. Et puis la nuit, la température, elle perd 15 degrés. Hein. Et bien là, à ce moment-là, surtout en surface, là, vous avez des risques de déformation si la terrasse, d'abord si elle est de mauvaise qualité, mais surtout si la terrasse est trop bridée. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, c'est qu'on a des variations dimensionnelles, notamment dans le sens de la longueur, et qui fait que si les lames sont complètement aboutées, jointives, si on ne respecte pas un espace de dilatation assez important, on a un moment où, surtout si on a des lames très longues, on a un moment où les lames, elles s'aboutent, comme on dit, et on a des phénomènes un peu de tuilage, c'est-à-dire que ça arbique, comme on dit. Hein. Donc il faut faire très attention à la pose. Moi, j'aime bien laisser dire qu'il faut plutôt faire poser ça par des pros que par soi-même. En tout cas, il faut faire attention, donc, et puis surtout choisissez un produit de bonne qualité, parce que ça évitera justement ces variations dimensionnelles. Donc voilà. Alors l'avantage, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'entretien. La teinte tient très bien dans le temps. D'accord. Mais il y a ces limites de pose, et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un bois de classe 4, par exemple, qu'on peut huiler pour lui rendre une teinte grise? Vous pouvez effectivement tout à fait utiliser un bois, mais là c'est plus du composite à ce moment-là. Oui. Bois de classe 4, oui, mais par rapport. Si vous le teintez foncé, il va chauffer aussi. Autant que le composite. Peut-être un peu moins. Mais encore une fois, c'est pas une question tellement de matériaux, même si ça c'est joue. De couleur. Mais c'est une question de couleur, c'est une question de teinte. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà Nordine. Vous avez bien répondu à ma question, je vous remercie. Vous mettez 20 sur 20 à Christian PC, Nordine, on est d'accord. Non, mais il a réponse à tout, je l'écoute tous les samedis matin, il sait tout. Vous avez vu, c'est presque énervant parfois. Hein, tout ce savoir. Bien, J'aimerais bien être son ami, on ferait des chantiers ensemble. Mais vous êtes mon ami, il suffit que vous m'envoyiez un mail. Voilà. Allez, merci bien. Je vous remercie. Merci Nordine, merci bientôt. À vous. Au revoir. Et on revient dans un instant. 8h18 sur RMC, ça sera Roger qui aimerait avoir quelques conseils pour nettoyer la façade de sa maison. Ah bah écoutez. Hein oui. On y va au Karcher On y va peut-être aussi à l'huile de coude, hein, c'est pas mal. Aïe aïe aïe. Bon allez, on se retrouve dans un instant et je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez nous joindre 3216 maison@rmc.fr. À tout de suite. RMC 8h10h. Votre maison. Monoprix, tu sais que t'es fan de l'Italie quand t'es prêt à déshériter tes enfants parce qu'ils ont coupé la spaghetti. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'Italie quand tu vas chez Monoprix acheter tes raviolis et que tu demandes si on peut te les livrer en gondole. Avec Monoprix Petit Prix, les 400 grammes de raviolis pur bœuf sont à 85 centimes seulement. Et en plus, pendant les 9 jours Monoprix, profitez de centaines de promos jusqu'au 9 octobre. Monoprix. Conditions et magasins participants sur monoprix.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Alerte Coyote. Offre d'essai exceptionnelle. Testez Coyote, l'avertisseur en temps réel gratuitement pendant 3 mois et sans obligation d'achat. 3 mois, oui, 3 mois d'essai gratuit. Sautez le pas et repartez sans payer. En exclusivité dans nos boutiques Coyote ou sur moncoyote.com. Coyote, roulez en sécurité en gardant vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. Et là, je dis à mon beau-père qu'avec Direct Energy, j'économise 10% sur l'électricité et le gaz. Et là, il me dit que lui aussi, mais que lui, ça fait 2 ans. Ah, et donc ? Ben, j'ai repris du dessert. C'est moche. Avec Direct Energy, en 5 minutes et dès aujourd'hui, vous pouvez payer votre électricité et votre gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergy.com. Service et appel gratuit, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. À l'occasion de la sortie au cinéma de Snowden, RMC vous invite à l'avant-première officielle du film. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Coupable ou innocent. Ils nous surveillent ? Nous sommes tous sur écoute. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Pour gagner votre passe VIP, envoyez tout de suite VIP par SMS au 73216. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS, de SMS maxi. Snowden, le nouveau film d'Oliver Stone. Au cinéma le 1er novembre avec RMC. Avoir bien chaud pour bien moins cher, c'est le pari de l'or pour cet hiver. Alors elle profite des promos de la rentrée chez Bricomarché. Vous avez des idées ? Bricomarché a les prix. Du 30 septembre au 1er octobre, Bricomarché crédite sur votre carte de fidélité 5 euros par tranche de 50 euros d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 5 euros tous les 50 euros d'achat, infos et magasins participants sur bricomarché.com. RMC jusqu'à 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. C'est RMC, le week-end des experts, la maison. Christian, avant d'accueillir Roger, on va quand même expliquer ce qu'on vous offre ce matin. D'habitude, on vous offre une belle perceuse électrique. Là, on change un petit peu. On va vous offrir un outil. C'est un laser automatique 360 degrés. Christian. Oui, alors à quoi sert ce genre de matériel ? C'est la question que j'allais vous poser. Oui, alors à l'origine, la première fonctionnalité de ce type de matériel, c'est de pouvoir déterminer une ligne de niveau sur les murs, notamment lorsqu'on va faire, par exemple, une chape ou une dalle. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait ? On trace un mur. Alors autrefois, on le faisait avec un niveau à fiole. Et je me moque pas de la vôtre. Hein. Non, pas du tout. Avec un niveau à fiole et puis avec un cordeau à poudre. Vous savez, c'était le fameux trait bleu qu'on voyait tracé à peu près à 1 mètre et à partir de là, on prenait sa cote. Là maintenant, avec le laser, c'est formidable puisque on n'a plus besoin de s'embêter avec un système à fiole avec de l'eau un peu compliqué, etc. Paf, immédiatement, ça vous fait votre ligne de niveau. Ce qui veut dire que pour que du carrelage par exemple, je vous disais, refaire par exemple également une chape, une dalle, c'est idéal. Mais par extension, ça permet de faire beaucoup d'autres choses puisque ça vous permet aussi de faire des verticales. Dans par exemple, les lignes horizontales, ben c'est parfait pour aligner des tableaux. Souvent, quand on devait aligner une série de tableaux dans une pièce, c'est parfait pour déterminer le niveau d'une étagère. C'est parfait aussi quand vous montez un meuble pour pouvoir le régler parfaitement. Donc, je veux dire, il y a énormément de possibilités avec ce laser qui vous est offert par RMC et par, évidemment, Système D, le magazine des bricoleurs. Comment remporter ce laser ? C'est très simple. Par SMS, vous nous envoyez maintenant, dès maintenant, donc le mot maison par SMS au 732-16. Maison par SMS au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. Bonne chance, Roger est avec nous. Bonjour Roger. Bonjour. Bonjour Roger. Bonjour, voilà, j'ai un problème de façade. Donc pour nettoyer la façade, j'ai utilisé de l'antimousse, éventuellement un peu sur une partie de la javel, et rien n'y fait. Donc il y a du lichen. Et par endroit aussi, il y a des algues. Voilà. Alors normalement, si vous utilisez un bon anti-mousse du commerce, vous devez y arriver. Pas de javel, justement, pas de javel, parce que l'eau de javel, c'est extrêmement agressif pour l'environnement. Ça risque en plus de blanchir excessivement votre façade et de façon irrégulière, parce que vous n'allez pas l'appliquer de façon tout à fait uniforme. Donc moi, je déconseille fortement l'eau de javel, même si son avantage, c'est qu'évidemment, c'est pas cher. Mais il faut des, à la limite, peut-être qu'il y a des pros qui savent utiliser véritablement le javel. Moi, je déconseille. En revanche, le problème des antimousses, c'est que souvent on les utilise mal. Il faut bien lire la notice et voir comment l'antimousse que vous avez choisi doit être appliquée. Je m'explique. C'est que suivant les marques, il y a des modes d'application différents. C'est-à-dire que pour certaines, il faut rincer tout de suite. Pour d'autres, il faut laisser agir et laisser l'eau de ruissellement ou ensuite appliquer effectivement, par exemple, un jet plutôt qu'un nettoyeur haute pression, parce que en tout cas, le nettoyeur haute pression peut être utilisé, mais comme un jet, je dirais, c'est-à-dire suffisamment loin du mur pour ne pas l'abîmer. Donc, c'est vraiment à cela qu'il faut faire attention. Et puis, de toute façon, dites-vous que, alors je sais pas depuis combien de temps vous avez appliqué votre anti-mousse, mais que les lichens, notamment les mousses, mais les lichens, ce sont parmi les plus vieux végétaux entre guillemets du monde. Donc ce sont des organismes qui ont appris à résister. Donc ça veut dire que avant de les tuer, il se passe du temps. C'est-à-dire si vous appliquez un anti-mousse et que le lendemain matin vous espérez que vos lichens aient disparu et que vos mousses ont disparu, eh bien vous vous trompez. Faut attendre un petit peu. Il faut attendre, mais des fois il faut attendre plusieurs mois avant dans le rinçage. Donc voilà, moi je vous conseillerais plutôt de prendre un bon produit, aller sur internet, regardez, il y a des produits pro, il y a beaucoup de produits dans ce domaine, et puis ça devrait le faire. Et puis il y a aussi une chose, vous savez, ça s'appelle l'huile de coude, c'est-à-dire que une fois que vous avez appliqué votre anti-mousse, vous pouvez aussi brosser un peu, mais là évidemment c'est du boulot, parce que ça veut dire que il faut se retrousser les manches, c'est le cas de le dire. Hein. Ok. Voilà, okay. Roger. Voilà. D'accord. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai. Merci bien. Au revoir. Bonne journée à vous tous. Parce qu'en plus, ces produits ont l'avantage d'être biodégradables, c'est-à-dire qu'ils n'abîment pas l'environnement, alors que l'eau de javel, c'est du chlore que vous libérez directement. Bonjour l'érosion en dessous. Très bien. Christian, on va revenir dans un instant. Il est bientôt 8h30. Un coup de météo, un coup d'info, et on repartira avec vos questions en priorité. Profitez-en. Christian PC est là pour vous ce matin et vous pouvez à tout moment le joindre, le 3216 bien sûr, ou bien maison@rmc.fr. Et comme d'habitude, laissez-nous votre numéro de téléphone par mail, comme ça on vous rappelle peut-être d'ici 9h dans la foulée. A tout de suite après la météo des infos. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins qui font leur anniversaire avec une bougie et trois cotillons. Et puis à l'anniversaire la paire avec plein de petits prix et des centaines de promotions. Jusqu'au 2 novembre, pendant l'anniversaire la paire, il y a par exemple jusqu'à 25% de remise sur les fenêtres PVC ou aluminium sur mesure. Moins 25% sur les fenêtres. L'anniversaire la paire, mais c'est sûr, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Moteur, action! Orage, désespoir! Désolée, je dois filer, c'est l'alerte discount. Aujourd'hui, le raisin blanc est à 89 centimes le kilo chez Netto. 89 centimes le kilo! Coupé! C'était parfait! Netto, le discounter qui fait la différence. Origine Italie, variété Italia, catégorie 1. RMC. Ce week-end, les Formule 1 roulent le matin pour le Grand Prix de Malaisie à Sepang. Ce matin à 11h, les qualifs. Et demain, dès 9h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, bienvenue chez les Givrés. C'est loin, c'est froid, mais c'est leur choix. Au fin fond du Canada, ils vivent leur rêve de liberté dans des conditions extrêmes. Prisonnier des glaces, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. plus fort que la fiction. Canal 24. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Captur et Mégane, au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. RMC Running. Samedi 15 octobre, les RMC Running Sessions sont à Lyon avec New Balance. Initiez-vous à la pratique du running avec la championne du monde du 4x100 mètres, Muriel Urtis. Inscription sur la page Facebook RMC Running. Initiez-vous au running à l'occasion des RMC Running Sessions avec New Balance. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et c'est avec Jérémy Souliman qu'on fait un point complet sur la météo de ce week-end. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien globalement, c'est la grisaille et la pluie qui vont dominer aujourd'hui sur une large partie du pays. On va retrouver des pluies orageuses toute la journée autour de la Méditerranée. Je vous rappelle que les Bouches-du-Rhône et le Gard sont encore placés en vigilance orange orage inondation aujourd'hui. De la pluie, on en retrouve encore ce matin au nord de la ligne Nouvelle-Aquitaine Grand Est. Des averses pouvant être localement accompagnées de quelques coups de tonnerre. Au cours de cette journée, le temps instable va se déplacer. On va le retrouver entre le massif central d'Alsace et la Franche-Comté, et il va amener avec lui des orages et de possibles averses de grêle. En revanche, sur la moitié nord du pays, le ciel sera variable tout au long de cette journée, alternant entre nuages, éclaircies et quelques averses ponctuelles. Pour les températures, au nord, fraîcheur, au sud, chaleur. Ce matin, comptez entre 9 et 18 degrés. Cet après-midi, entre 16 et 26. On attend 17 degrés à Lille cet après-midi, 18 à Paris, 19 à Strasbourg, 20 degrés à Lyon, 23 à Marseille et la maximale 26 degrés attendus pour la Corse à Ajaccio. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC 8h30, un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour, un adolescent de 15 ans placé hier en détention provisoire après avoir été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ce collégien inconnu des services de renseignement avait été interpellé mercredi dans le Val-d'Oise. Il était en lien avec Rachid Kassim, le propagandiste de Daesh. Un véritable sanctuaire à la gloire de la voiture ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Coup d'envoi du mondial de l'automobile à 10h. Plus d'un million de visiteurs sont attendus durant 15 jours, porte de Versailles, pour découvrir la voiture de demain. Plus de 10 000 bureaux seront ouverts pour la primaire de la droite et du centre. Ils pourraient accueillir le 20 novembre près de 4 millions d'électeurs. Plus que quelques heures pour les sympathisants écologistes qui veulent participer à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Cette fois, ils doivent s'inscrire sur le site du parti pour prendre part au scrutin qui départagera les 4 candidats en lice. Le prix du gaz repart à la baisse, moins 0,8% en moyenne après 3 mois de hausse. Une bonne nouvelle pour le portefeuille de 6 millions de consommateurs. Ils sont pour la chasse, pour la corrida et sont des défenseurs des traditions du Sud-Ouest. 10 000 manifestants sont attendus aujourd'hui à Mont-de-Marsan pour une journée de mobilisation autour de la culture landaise. La Deutsche Bank en passe de trouver un accord avec les États-Unis. La première banque allemande devrait voir son amende divisée par 3. Le montant correspond à la somme qu'elle avait déjà provisionnée. La Jamaïque et Haïti se préparent au pire. L'ouragan Matthew est plus menaçant que jamais. Il vient d'être classé en catégorie 5 sur une échelle de 5. Football, 8e journée du Ligue 1 et victoire à l'arraché de Rennes hier soir lors du derby breton face à Guingamp. Cet après-midi, le PSG reçoit Bordeaux. Mais tout autant que les joueurs sur le terrain, ce sont les tribunes qui seront aussi scrutées au Parc des Princes. Une poignée d'ultras du PSG sont de nouveau autorisés à se rassembler. Une première depuis 2010. En Formule 1, qualification ce matin pour le Grand Prix de Malaisie. Rendez-vous sur RMC à 11h. RMC, il est pour l'instant 8h32. L'heure de retrouver François Sorel et les experts. Et notre roi du bricolage, Claire Tchekaglini, Christian Pessé qui est là. Merci. Sujet. Sujet. Ah oui, puisque si je suis le roi, vous êtes mon sujet. Oui, maître. Et dans un instant, on repart avec vos questions bricolage, maison déco au 32-16. A tout de suite sur RMC. À chaque instant, donnez votre avis sur les programmes d'RMC sur rmc.fr. Bon, Christian PC, on plaisante, on rigole. Hein, mais quand il y a une question c'est flash, du sérieux. Là, ça rigole moins. Allez-y. En moins de deux minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Jacques. Oui. J'ai une installation de chauffage central des années 70. Oui. La chaudière au fioul a été remplacée il y a 10 ans. Elle fonctionne parfaitement, mais j'aimerais la rendre plus performante et surtout plus économique. Oui. Que me conseillez-vous comme amélioration? Alors ça, c'est un sujet et on va le traiter un de ces jours. La modernisation des installations de chauffage sans avoir à les remplacer. Parce qu'une installation de chauffage central, même des années 70, avec une chaudière fioul de bonne marque des années 2000, c'est-à-dire moins de autour d'une dizaine d'années, eh bien peut être tout à fait modernisé. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir moderniser au niveau de la chaudière et de son pilotage, et puis on va pouvoir améliorer, moderniser l'installation au niveau des radiateurs et des canalisations. Alors justement au niveau des radiateurs, la possibilité c'est d'installer des robinets thermostatiques aujourd'hui très évolués avec des têtes électroniques qui sont programmables ou qui sont pilotables à partir donc de thermostats programmables par exemple. Alors ça c'est extrêmement important, ça marche vraiment très très bien. Pour ce qui est des canalisations, eh bien on verra après, mais il faut évidemment les calorifuges quand elles passent dans des zones froides par exemple au niveau de la cave et au niveau donc des parties non chauffées de la maison. Alors au niveau de la chaudière, eh bien moi je conseillerais d'abord de faire une révision complète, de changer éventuellement le brûleur, ça il faut en discuter avec celui qui assure la maintenance de votre matériel, et puis il va falloir voir la capacité de connexion avec ces fameux thermostats programmables dont je viens de parler, qui sont à installer dans la maison. Et là, faut pas hésiter, c'est véritablement ce qui va vous permettre de faire jusqu'à 30% voire plus d'économie de chauffage. Et le 3216 à votre disposition pour joindre Christian PC, posez vos questions maison. À tout de suite. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. RMC 8h35, c'est le week-end des experts, c'est la maison. Votre matinée chez nous à partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport, bien entendu. Et sachez que tout à l'heure, dans ce rendez-vous maison entre 9 et 10, on va parler de dépannage, un spécial dépannage. Aujourd'hui, j'achète une machine à laver, une friteuse, je sais pas moi, n'importe quoi. Combien de temps suis-je assuré de la réparabilité de cet appareil? Voilà, c'est la question aujourd'hui. Normalement, il y a une garantie qui est souvent de 1, voire 2 ans. Mais on est dans une situation telle de surconsommation aujourd'hui que souvent on achète un truc, et puis après, bon, dès que ça marche plus, on le jette. Voilà. Et puis pourquoi beaucoup de marques, bien jusqu'à présent, se souciaient peu de la chose? C'est justement parce qu'il y avait cette frénésie d'acquisition. On changeait, les matériels sont souvent de moins en moins chers. Sauf que beaucoup de marques ont fait des coups. C'est-à-dire qu'ils emportaient, mettons, 5000 frigos qui venaient d'un pays lointain d'Extrême-Orient. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on se souciait pas du tout de savoir s'il y avait des pièces de rechange. Mm-hmm. Et même, on prenait des assurances, ce qu'on vous incite souvent à faire. Et puis, quand il y avait un problème, je veux dire presque lorsque l'ampoule, quand on ouvrait la porte, ne fonctionnait plus, on vous changeait l'appareil. Alors bon, maintenant, tout cela est un peu révolu. Une grande marque d'électroménager a pris le taureau par les cornes et garantit aujourd'hui, donc, 10 ans de réparabilité. Mais on va voir aussi après qui répare, comment, est-ce que c'est vous, est-ce que vous pouvez trouver des solutions, combien ça coûte. Parce que si ça coûte plus cher que le produit neuf, ça a aucun sens. Ça n'a pas forcément de sens. Voilà. On va voir tout ça avec des invités. Christian, attention, là, il va pas falloir se laisser faire. Non, non. Parce que le marketing, là, ne nous rattrapera pas. Non, Christian. Non, vous connaissez. On pas de langue de bois chez nous. Vous êtes pas un vieux, de ça chez nous. Vous êtes un vieux loup. Oui, c'est un patron quand même. De quoi? De vieux? De non, vieux. Non, vous êtes un jeune vieux loup, on va dire. Merci. Vos questions, bricolage maison déco 32-16 dès maintenant, et c'est Sébastien qui est là. Bonjour Sébastien. J'en perds la voix, tiens. Oui. Bonjour Sébastien, bonjour. Bienvenue. Bonjour Sébastien. Bonjour. Oui, donc moi je vous appelais par rapport à des normes d'électricité. Oui. En fait, j'ai une salle de bain avec une douche italienne. Oui. Et pour l'éclairage, je souhaitais mettre des spots encastrés au plafond au-dessus de la douche. Oui, c'est ce que j'ai fait moi-même. J'essaie de déchiffrer un petit peu les normes pour savoir en particulier les tensions d'alimentation sur ces spots entre du 12 volts et du 230 volts. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, je vous appelais pour avoir un petit peu vos conseils par rapport à ça. Alors la norme, c'est la norme NFC 1500. Donc vous pouvez aller la consulter, mais c'est pas très simple. C'est jamais simple de consulter toutes ces normes par internet. Moi il y a longtemps que je plaide pour que tout cela soit à la fois traduit. Je dis bien traduit parce que c'est dans un langage parfois un peu obscur. Et puis que ce soit en accès libre. Mais vous savez que là on a quelque chose de tout à fait particulier en France, c'est que les réglementations, et notamment ce qu'on appelle les DTU, les documents techniques unifiés, sont couverts par des droits d'auteur. Ils sont vendus aux professionnels. Et donc, on ne peut pas les mettre en accès libre. Bon, ça, c'est mon petit coup de gueule habituel sur le sujet. Pour ce qui est de la NFC 1500, c'est quand même beaucoup plus simple parce que ça entre dans les normes de qualité, de qualité et de sécurité surtout, pardon. Et donc, à partir de là, c'est en accès libre. Mais reste ensuite les traduire. Alors, la NFC 1500, pour ce qui est donc notamment des salles de bain, a été assouplie récemment en novembre 2015. C'est ce qu'on appelle l'avenant 2015. Et donc, il y a moins de restrictions. Ceci étant, les restrictions, elles sont quand même connues. Elles n'ont pas bougé en termes de hauteur. C'est-à-dire que vous avez une impossibilité quasiment d'installer des matériels électriques et notamment en moyenne tension ou en basse tension, parce que je dis toujours moyenne tension pour du 220-230, mais en fait, on devrait dire basse tension. Et le 12 volts, c'est la très basse tension. Alors, à ce niveau-là, vous avez une restriction de hauteur, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas installer de matériel à moins de 2,35 mètres du fond du bac, donc en l'occurrence du sol, puisque vous êtes en douche à l'italienne. À partir de 2,35 mètres, vous avez une liberté d'installation. Mais ceci étant, il est évident que compte tenu des risques de projection, il faut mettre des matériels qui sont protégés contre les gouttes d'eau, comme on dit, contre les projections. Et en l'occurrence, je ne peux que vous conseiller de mettre plutôt du très basse tension, parce que vous éliminez pratiquement tous les risques. La seule chose, ce sont les restrictions d'installation à ce niveau. C'est que qui dit très basse tension dit effectivement un transformateur. Et c'est très difficile à faire, mais le transformateur ne doit pas être dans le faux plafond. Et puis après, il y a des restrictions de distance. C'est-à-dire, vous pouvez pas avoir un transformateur et puis 10 mètres plus loin avoir votre spot, vos spots. Mais à ces restrictions près, moi je préfère quand même qu'on y mette du TBTS, comme on dit, c'est-à-dire de la très basse tension. J'espère avoir été clair. Quand vous dites dans le faux plafond, en fait au-dessus j'ai des combles perdus. Oui. Donc le transformateur, on peut le mettre dans les combles perdus. Alors le tout, c'est qu'il soit accessible. C'est la notion d'accessibilité. C'est que un transfo, ça chauffe, et que s'il y a un problème donc d'échauffement, il faut pas qu'il soit dans un espace confiné. Donc vous me dites, il faut que vos combles soient accessibles. C'est-à-dire qu'à la limite, il faudrait qu'il y ait un plancher ou qu'il y ait un chemin d'accès pour mettre votre transfo. Mais effectivement, dans des combles perdus, à mon avis, c'est tout à fait possible et réglementaire. Mais simplement, il faut pas qu'il soit dans le double. Oui, d'accord. D'accord. Okay. Et là, à partir de là, vous mettez du TBTS et vous êtes tranquille, alimenté par un transformateur de protection, de sécurité. D'accord. Voilà. Ok, parfait. Et bien voilà, Sébastien, merci à vous. Bonne journée. Et bonne douche. Merci. Mais attention aux fuites avec une douche à l'italienne, d'accord? Oui, ça a été fait par, ça a été installé par un professionnel. J'ai un bac monobloc, pas de carrelage, tout va bien. C'est bon. Okay. Normalement, ça devrait aller. Ok, merci. À bientôt, Sébastien. Il est 8h41, on enchaîne avec Laurent qui nous attend au 32-16. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi j'ai une petite question en fait. J'habite dans la région de les Pyrénées catalanes et on a visité une maison avec mon épouse pour un achat de résidence secondaire en Cerdagne, donc c'est à 1500 et 2000 mètres d'altitude. Donc on a visité un chalet en bois, en préfabriqué qui a été fait dans les années 80. Et j'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que ça vous parle, ce genre d'habitation, et qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, les personnes qui l'ont construit, ont pour protéger le bois extérieurement, ont doublé l'extérieur avec des plaques d'amiante, en fait, de l'époque, là. Vous savez, avec un mélange ciment-amiante, un peu oui, comme... Voilà. Fibre-ciment, on appelle ça. Voilà, c'est ça. Ou autrement, fibre-ciment, dans le langage courant. Voilà. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez, tout d'abord de la construction au sature-bois, comme ça, un peu en préfabriqué, si c'est quelque chose qui est solide, et le fait de l'avoir doublé avec ces plaques de ciment amiante, est-ce que ça, il y a un risque, ou est-ce que c'est ça un risque Alors, je vais être très clair là-dessus. Sur le sature-bois, il n'y a pas de souci. J'imagine qu'entre les ossatures, vous devez avoir une épaisseur d'isolant, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Les deux, c'est ça. Il y a l'isolant entre les deux, deux faces, ouais. Voilà. Donc, entre le chevronnage, vous avez de l'isolant. Ce qu'il faut voir, c'est quelle est son épaisseur, si l'isolant est encore en bon état, s'il est pas tassé, parce que là, autant je dis souvent que ça ne se tasse pas véritablement quand c'est à l'horizontale encore que, mais quand c'est à la verticale, il peut y avoir un effet de tassement. Donc, allez voir en haut des doublages pour s'il y a encore de l'isolant, et éventuellement, vous pourriez refaire cet isolant, et dans une épaisseur qui corresponde aux normes d'aujourd'hui. Pour ce qui est du bardage, en quelque sorte, du doublage extérieur en plaque de fibre ciment, effectivement, dans les années que vous évoquez, on peut encore avoir des produits où il y a une petite proportion d'amiante. En soi, il y a des quantités de toitures qui sont faites avec ce type de matériaux. Ça ne pose pas de problème tant que ça reste en l'état, simplement. Il ne faut pas que vous soyez amené à le scier, à le percer, à le poncer. Bref, il ne faut pas que vous émettiez de la poussière de ce type de produit. À cette restriction près, il n'y a pas de problème sur la santé inhérent à ce type de matériaux. Simplement, il faut vous dire que le jour où vous serez amené à faire une intervention dessus, c'est-à-dire peut-être de rénovation ou de remplacement, vous allez entrer dans le problème de la réglementation concernant l'amiante, et c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le faire vous-même. Vous serez obligé de passer par une entreprise qui recyclera le produit amianté, et là, ça coûte bonbon, pardonnez-moi l'expression. Donc, cette conséquence, simplement. Sinon, c'est inusable. Bon, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir une maison bois et d'avoir un doublage ça évite les entretiens, parce que vu qu'on est en montagne, avec le vent, la neige. Mais bien sûr, c'est pas une mauvaise solution, hein. C'est pas très esthétique, mais c'est pas une mauvaise solution. Ceci étant, c'est pas très esthétique. Il suffit ensuite de refaire une peinture, ou on peut même jeter dessus un crépi. C'est possible aussi. Donc voilà les restrictions que je vous dis. C'est simplement le jour. D'abord, vous aurez toujours quand même un frein à la vente. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre diagnostic et qu'on dira, il y a de l'amiante, ça rebute beaucoup de gens, même si, comme je le dis, les conséquences sont très faibles. Il ne faut pas dramatiser sur le sujet. C'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a cette psychose de l'amiante. C'est normal. Cela dit, qui a été entretenu par les médias. Et puis c'est normal. Oui. On doit, par exemple, vous dire de ne pas percer. Si vous ne le savez pas, vous pouvez faire ça et dégager de la poussière et respirer de la fibre d'amiante. Bon, ceci étant, le temps où vous en respirez ne va pas être non plus mortel, mais il faut faire très attention. Par exemple, il ne faudrait pas décaper, poncer, gratter une façade comme celle-là sans savoir qu'en dessous, il y a de l'amiante. Évidemment. Et respirer, évidemment, et respirer de la poussière. Merci beaucoup, Laurent. On revient dans un instant. Il est 8h46, c'est RMC, le week-end des experts. La maison, vos questions au 32-16 arrivent dans une minute. À tout de suite. RMC jusqu'à 10h. Votre maison. RMC. Ce week-end, les Formule 1 roulent le matin pour le Grand Prix de Malaisie à Sepang. Ce matin à 11h, les qualifs. Et demain dès 9h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. En été, j'adore les salades. Pas celles qu'on raconte, hein, celles qu'on partage avec ses amis, avec de bons produits très frais. Vous allez apprécier, Michel. Regardez ces cagettes de belles tomates rondes en grappe, origine France. Ce rouge brillant, sentez-moi ce parfum. Oh, on croirait qu'elles viennent d'être cueillies. En plus, jusqu'à ce soir chez Market, les tomates grappes sont à seulement 99 centimes le kilo. Mais où allez-vous récolter toutes ces idées ? Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Catégorie 1, origine France. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. Il y a des prix qui vous font dire... Non, c'est pas grave. Avoir froid, c'est bon pour la circulation, alors. Et il y a les prix Leroy Merlin. Jusqu'au 17 octobre, pendant l'opération Ma Maison Économe, 89 euros seulement le radiateur électrique 1000 watts à inertie sèche, simple d'utilisation avec son thermostat programmable. Garantie 2 ans incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûr de faire le bon achat. le roi Merlin, et vos envies prennent vie. Alerte Coyote. Offre d'essai exceptionnelle. Testez Coyote, l'avertisseur en temps réel, gratuitement pendant 3 mois et sans obligation d'achat. 3 mois, oui, 3 mois d'essai gratuit. Sautez le pas et repartez sans payer. En exclusivité dans nos boutiques Coyote ou sur moncoyote.com. Coyote, roulez en sécurité en gardant vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. Le magique anniversaire de But continue et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En ce moment, moins 50% sur le canapé d'angle convertible Scoop avec coffre de rangement. 499€ au lieu de 999. Moi, on me dit ça, j'y cours. But, c'est nous. Bon, allez, on y va. On reste encore un petit peu. Oui, bon, on le prend, ce canapé. On va pas passer la nuit non plus chez But. Quoique. C'est un très beau bébé, madame. Mais c'est une fille ou un garçon? Eh bien, c'est... Elle a l'air discount. Je dois filer. Aujourd'hui, les cuisses de poulet blanc ou jaune origine France sont à 1,95€ le kilo chez Netto. Oui, 1,95€ le kilo. Quel heureux événement, c'est à l'air discount. Netto, le discounter qui fait la différence. 1,5€. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Pratiquement 9h-10, le week-end des experts, la maison. Merci d'être là. Et dans quelques instants, bien sûr, ce sera la météo, les infos. Christian, nous allons accueillir Gabriel maintenant. Bonjour Gabriel. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue Gabriel. Bonjour, bonjour à tout le monde. On vous écoute Gabriel. Bah, bonjour à tout seul. Hein. Oui, tout seul. Non, il y a ma femme qui m'écoute aussi. Ah bah alors bonjour à votre femme, ça je... Ouais. Je me... dites-moi, je voulais vous poser une question, ouais. C'est pas facile pour vous avoir, je suis très heureux. C'est la première fois, je voulais simplement savoir pour l'isolation des combles, parce que chacun dit la sienne, le problème si vous voulez, c'est que quand on va voir machin de matériaux, si il vend de la laine de verre, il vous dit que c'est le meilleur, l'autre il vend du polyester, il vous dit que c'est le meilleur, etc., parce qu'eux, ils vendent un produit. Alors que vous, comme vous êtes neutre, je vous... C'est gentil. C'est gentil, voilà, c'est j'apprécie savoir. Votre confiance. Mais d'abord, dites-moi comment sont vos combles. Eh bien, c'est une dalle, tout simplement, en béton. Qui est, et puis, il y a environ... on peut y marcher, il y a 2,50 m de hauteur au étage. Voilà, et alors, il y a environ 30 ans, j'avais mis de la laine de verre de 2 fois 10 cm, mais c'est une catastrophe, ce truc. On peut pas y marcher dessus, ça c'est... De toute façon, même sans ça, ça s'aplatit, c'est plein de poussière, il n'y a plus rien, quoi. Alors, la première question qui se pose, c'est est-ce que vous voulez que vos combles soient aménageables? Est-ce que vous voulez, effectivement, pouvoir circuler sur le sol? Voilà, alors, moi, je veux pas... Non, pas aménageable, si vous voulez, mais j'aimerais qu'on puisse y marcher dessus. C'est pour ça que j'ai trouvé un gars qui m'a dit, moi, ma solution, c'est le polyuréthane. Oui, mais... C'est compact et on peut y marcher dessus. Parce que le jour que le maçon va aller voir s'il y a des fuites d'eau, ou si le gars de la télé il va monter pour l'antenne, machin, etc. Bon, c'est pas tous les jours. Mais si c'est de l'ouate de cellulose ou de la laine de verre, ils vont y marcher dessus. Et c'est la catastrophe. Alors, le panneau de polyuréthane, le polyuréthane, alors d'abord, ça dépend comment on vous le vend. Si on vous le vend à projeter ou si on veut vous vendre des panneaux de polyuréthane, c'est pas la même chose. Bon, mais de toute façon, alors là, la pose de panneaux au sol, c'est généralement ils sont simplement posés comme ça, jetés, mis les uns à côté des autres. Le problème, ce sont les ponts thermiques. C'est que le matériau est exceptionnel puisqu'il a un lambda, c'est-à-dire la capacité, on va dire le critère de référence, il a un lambda qui doit être de 0,0, 20 ou 22, des choses comme ça. Donc c'est bien meilleur que tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres produits, mais qui sont pas encore véritablement commercialisés. Le panneau de polyuréthane reste et certainement ce qu'il y a de meilleur. Ceci étant, moi je vais vous dire, mais vous n'aurez pas là un matériau circulable parce que la mousse de polyuréthane, moi je ne sache pas qu'elle soit considérée comme circulable. La seule chose, c'est que effectivement, si vous faites une isolation par panneau de polyuréthane au sol et qu'ensuite vous jetez dessus des panneaux ou des chemins de circulation, ça peut-être le faire, mais vous ne pourrez pas marcher directement, à mon avis, sur une couche, donc sur un panneau de polyuréthane. Alors après, la question qui se pose, c'est à partir du moment où vous avez un sol véritablement solide, que vous voulez circuler dessus, que vous voulez entreposer des choses, vous devez vous poser la question de l'intérêt éventuel d'isoler la toiture, c'est-à-dire d'isoler les rampants. Et là, il y a des solutions extrêmement éprouvées, classiques. Notamment, vous parliez de la laine de verre, de la laine de roche, d'isolant fibreux, où vous isolez entre chevronnages, c'est-à-dire entre les chevrons, et puis vous pouvez le laisser comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un doublage de plaques de plâtre, comme on devrait le faire si on veut véritablement aménager les combles pour les rendre habitables. Alors, vous avez aussi une solution hein, qui consisterait sur votre sol, vous mettez des chevrons, d'une trentaine de centimètres d'épaisseur. Entre les deux, vous mettez un isolant, par exemple un isolant fibreux tel que celui que vous évoquez, mais à ce moment-là en vrac. Et puis dessus, vous rejetez un plancher léger avec des plaques d'agglo pour prendre l'expression commune, c'est-à-dire de panneaux de particules ou de plaques de plâtre spécifiques pour le sol. Et puis vous allez avoir une isolation nickel et vous pourrez en plus marcher sur votre sol isolé. Merci Gabriel. Christian, avant de retrouver la météo et les infos de 9h, oui. La petite question de Nadège, alors qui concerne, j'en suis sûr, énormément d'auditeurs. Nadège qui nous dit ceci donc oui. Sur le mail maison@rmc.fr. Je n'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain, ça c'est quelque chose d'assez courant, et celle-ci est humide. Avez-vous quelques conseils de base pour lutter contre le phénomène? Et c'est vrai qu'on a tous connu une salle de bain humide avec des traces d'eau, peinture qui se décolle, etc. Alors, etc. L'idéal, ce serait qu'il y ait une VMC. On a parlé abondamment la semaine dernière, une ventilation mécanique contrôlée, mais ça ne doit pas être le cas. Là ensuite, il faut rechercher la possibilité d'y placer un extracteur, un système qui va donc évacuer l'air humide vers l'extérieur. Si on a un mur qui donne vers l'extérieur et qu'on a la possibilité, je ne sais pas si là, Nadège a une maison individuelle et peut faire ce qu'elle veut, ou si elle est dans un appartement, et là évidemment il faudra des autorisations du syndic et de la copropriété. Donc l'extracteur, c'est effectivement la meilleure des solutions. Et ensuite, il n'y en a pas 36. La seule solution, c'est un déshumidificateur électrique. Et ne rêvons pas, ce ne sont pas avec des petits absorbeurs d'humidité qu'on résoudra ce type de problème. Les absorbeurs pouvant être à peu près utiles, on peut l'espérer dans un placard, mais pas dans une salle de bain où on dégage des tonnes de vapeur d'eau. Bon, je serais tenté aussi de dire, pour reprendre la chanson de Pierre Perret, laissez la porte de votre douche entrouverte. C'est aussi une solution. Comme la cage aux oiseaux, c'est ça ? Non, mais c'était la porte de ta douche est restée entrouverte. Ah oui. Vous connaissez pas cette chanson-là ? Très jolie. Non, je connais pas tous les classiques de Pierre Perret, bien sûr. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la cage aux oiseaux ? Non. Ça, c'était pour si c'était monsieur qui laissait sa porte entrouverte, quoi. Ah non. La cage aux oiseaux. Les envolées, tout ça, etc. Oui. Tout de suite, vous avez l'esprit déplacé, quand même. Hein, écoutez, vous m'y incitez. Bon, dans un instant, on va parler de dépannage, de ces appareils que nous avons à la maison. Et bien sûr, on en parlera avec nos invités. Vous pouvez réagir dès maintenant. Le 3216 maison@rmc.fr. Bientôt 9h, on va retrouver la météo, les infos et on est de retour. À tout de suite. RMC 8h-10h, votre maison. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques, uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Avoir bien chaud pour bien moins cher, c'est le pari de l'or pour cet hiver. Alors elle profite des promos de la rentrée chez Bricomarché. Vous avez des idées ? Bricomarché a les prix. Du 30 septembre au 1er octobre, Bricomarché crédite sur votre carte de fidélité 5€ par tranche de 50€ d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 5€ tous les 50€ d'achat, infos et magasins participants sur bricomarché.com. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Twingo est à partir de 99€ par mois, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1500 euros si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation, voire Renault.fr. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, quand ils font leur anniversaire, eh ben c'est pas la fête. Hein. Et puis il y a l'anniversaire La Paire, avec une ambiance de folie et un festival de petits prix. Jusqu'au 2 novembre, c'est l'anniversaire La Paire, avec des offres à tomber. Par exemple, 25% de remise sur une sélection de portes de douche. Moins 25% sur les portes de douche. L'anniversaire La Paire, forcément, il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Et oui, c'est parti pour 4 semaines. Le filet de bœuf à rôtir Jean Rosé Origine France est à 18,90€ le kilo. Oui, 18,90€ le kilo et Origine France. Mais c'est seulement jusqu'à ce soir. Dépêchez-vous. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine filet 3 étoiles à rôtir. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. RMC, 9h, une nouvelle heure commence. En ce moment, c'est la foire au vin chez Carrefour, l'occasion de découvrir près de 1000 vins choisis avec soin par un comité d'experts. Laissez-vous également guider par la sélection de coups de cœur de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. La foire au vin Carrefour, des vins issus des meilleurs terroirs de nos régions, à prix très compétitif. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Un coup d'œil sur la météo de votre week-end maintenant, c'est avec Jérémy Suliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François. Bonjour à tous. Eh bien globalement, on va retrouver un temps d'automne aujourd'hui. Grisaille et pluie vont dominer sur une large partie du pays. Toute la journée, on va retrouver les pluies orageuses autour de la Méditerranée. À noter que les Bouches-du-Rhône et le Gard sont encore placées en vigilance orange, orage, inondation aujourd'hui. Au nord de la ligne Nouvelle-Aquitaine Grand Est, c'est la pluie qui va dominer. Localement, on pourrait même entendre quelques coups de tonnerre ici ou là. Au cours de la journée, ce temps instable va se déplacer. On va le retrouver entre le Massif central, l'Alsace et la Franche-Comté. Et il va amener avec lui eh bien des orages et de possibles averses de grêle, là aussi très localisées. Partout ailleurs, eh bien le ciel sera variable tout au long de cette journée, alternant entre nuages, éclaircies et quelques averses ponctuelles. Pour les températures, ce matin, comptez entre 9 et 18 degrés. Cet après-midi, entre 16 et 26. On attend 17 degrés à Lille, 18 à Paris, 19 à Strasbourg, 20 degrés à Lyon, 23 à Marseille et la maximale attendue pour Ajaccio en Corse, 26 degrés. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 11h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Malaisie. 14h45, rugby top 14 Clermont-Castres. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1, PSG Bordeaux. Et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet. RMC. Merci d'être avec nous, c'était RMC, il est 9h. Toute l'actualité, Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour, une voiture qui se conduit presque sans toucher le volant ni les pédales. RMC a testé pour vous l'un des prototypes du salon de l'automobile. Manuel Valls dans le vent, le Premier ministre sur l'île de Groix aujourd'hui pour la future ferme d'éoliennes. Les ultras du PSG de nouveau réunis au Parc des Princes, une première depuis 2010 pour ces groupes de supporters qui avaient été dissous. La légendaire de chevaux y avait fait ses débuts, tout comme la DS Citroën. Ouverture dans 3 heures maintenant, dans 1 heure plutôt maintenant, du salon de l'automobile. Il devrait accueillir plus d'1 million de visiteurs curieux de connaître la voiture du futur. Une voiture totalement déconcertante et pour cause. Elle se conduit presque toute seule. Notre reporter Anaïs Bouicha a fait le test sur route. Il est aux alentours de 7h du matin. On arrive sur le périphérique parisien. Il y a beaucoup de monde et je ne suis pas très rassurée à l'idée de ne plus touché au volant et aux pédales. Je suis avec Vanessa Picron, directrice innovation pour le véhicule autonome chez Valeo. La voiture va détecter qu'elle est dans des conditions où elle est capable d'être automatisée. Le volant tourne, ce qui vous permet de vous détendre, lire vos mails, regarder un film. Plusieurs voitures nous doublent, des motos arrivent à toute allure de chaque côté et mon premier réflexe, eh bien, c'est d'essayer de freiner, mais en fait, pas besoin, la voiture s'en occupe pour moi. Pareil, pour changer de fil, il suffit d'actionner le clignotant et c'est tout. Le premier intérêt, c'est la sécurité. Pouvoir assurer un freinage dans une situation que vous n'auriez pas vu ou anticipé. Il y a au total 22 capteurs disséminés un peu partout sur le véhicule et certains identifient même les panneaux de limitation de vitesse pour ne pas aller trop vite. Impressionnant. Il y a des caméras, il y a des radars et il y a des laser scanners. Bilan, un trajet plutôt agréable malgré un freinage un peu brusque et cette sensation très étrange de se faire conduire. Le système devrait investir nos voitures d'ici 2020. Le reportage RMC d'Anaïs Bouitcha. À Hambach, en Moselle, les 800 salariés qui fabriquent la Smart sont officiellement passés aujourd'hui aux 39 heures payées 37. En échange, la direction a assuré qu'elle ne procéderait à aucun licenciement économique d'ici 2020. Le gaz, un peu moins cher à compter du 1er octobre, moins 0,8% en moyenne. Une bonne nouvelle donc pour les 6 millions de foyers reliés au gaz. Manuel Valls prend le large. Le Premier ministre se rend ce matin sur l'île de Groix, non loin de Belle-Île. C'est là que sortira des vagues une ferme d'éoliennes flottantes d'ici 2019. Un projet qui évite donc la pollution sonore et visuelle, comme l'explique Marc Lannes, expert maritime d'Eolfi, la société qui vient de remporter l'appel d'offres. L'éolien offshore flottant, le grand avantage, c'est qu'on n'est plus limité par la profondeur d'eau. N'étant plus limité par la profondeur d'eau, ce sont des champs qui vont se situer entre 15 et 40 km de la côte. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça permet d'aller chercher des vents plus réguliers, plus forts. Et donc à cette distance-là, 20 ou 25 km, on apercevra encore un petit peu des éoliennes, mais très très bas sur l'horizon. Donc ça permet d'éloigner ces unités qui sont pas toujours esthétiquement appréciées par tout le monde. Et en nuisance sonore, à 500 mètres, on entend quelque chose, mais à plusieurs kilomètres, on n'entend rien. Un collégien de 15 ans a dormi en prison hier soir après avoir été mis en examen pour avoir voulu commettre une attaque djihadiste. L'adolescent inconnu des services de renseignement avait été en contact sur la messagerie Telegram avec Rachid Kassim, le propagandiste de Daesh. Ils aiment en particulier la chasse et la corrida et en général les traditions du Sud-Ouest. Ils le diront haut et fort cet après-midi à Mont-de-Marsan dans les Landes. Jean-Wilfried Forquès a rencontré les organisateurs de cette mobilisation. Ils étaient 3000 le 19 août dernier pour leur premier rassemblement. Ils espèrent être 10 000 cet après-midi dans les rues de Mont-de-Marsan. Régis Hargues est le directeur de la Fédération des chasseurs des Landes. Il y aura des chasseurs, bien entendu, mais il y aura les familles des chasseurs qui viendront défendre cette identité qu'ils ont dans leur cœur, dans leur trip, et qu'ils veulent pouvoir préserver, mais surtout transmettre. Respecter nos valeurs, respecter notre identité, c'est l'un des slogans qui devrait être repris par les manifestants venus d'horizons divers. André Viard est le président de l'Observatoire des cultures taurines. Il sera là pour mettre en garde les responsables politiques. Prenez conscience du fait que vous êtes en train de mépriser des populations entières. Vous les regardez de haut depuis la capitale, mais nous avons une culture riche et nous allons le défendre puisque vous nous méprisez. Les défenseurs des traditions vont profiter de la prochaine échéance électorale, l'élection présidentielle, pour faire part de leurs inquiétudes. Le reportage de Jean-Wilfried Forquès, le correspondant d'RMC dans le Sud-Ouest. Aux États-Unis, le niveau du débat de la campagne présidentielle franchit un nouveau seuil avec Donald Trump après les provocations du candidat républicain à la Maison-Blanche sur les musulmans, entre autres. Il s'est attaqué à l'un des soutiens d'Hillary Clinton avec The Trump Touch, tout en finesse, donc Philippe Gasseau. Eh bien oui, Donald Trump s'est levé de bonne heure pour accuser de pornographie l'ancienne Miss Univers qui soutient Hillary Clinton. Il n'hésite pas à se lever hier à 3h20 du matin pour tweeter et tenter de disqualifier Alicia Machado, l'ancienne Miss Univers élue il y a 20 ans, alors que c'est lui-même qui produisait le spectacle. Donald Trump invite les Américains à aller voir le site pornographique où l'ancienne Miss fait des siennes. Ceci fait dire à l'équipe d'Hillary Clinton, mais qui peut être un homme qui se relève la nuit pour insulter et couvrir une femme de mensonges et d'injures. Donald Trump a tenté de démontrer qu'Hillary était fort mal entourée. Après le débat, le viol de l'embargo cubain, puis une Miss Univers revancharde, la semaine aura été plutôt dure pour le républicain. RMC 9h05. Un retour sous haute surveillance au Parc des Princes cet après-midi. Les ultras sont de nouveau autorisés à se rassembler dans les tribunes, du jamais vu depuis 2010, depuis qu'un spectateur était décédé lors d'affrontements entre ultras et d'autres supporters. Cet après-midi, ils seront donc de nouveau ensemble pour suivre le match PSG-Bordeaux. Une excellente nouvelle pour James, porte-parole de l'association de défense des supporters. C'est une première étape, mais c'est un changement radical, ça c'est sûr. Ça confirme la volonté du PSG de faire avancer les choses, permettre de se rassembler, c'est un peu la première étape et la base. Si on veut avoir un semblant d'ambiance et des gens qui veulent chanter et s'organiser pour animer une tribune, il faut bien qu'ils soient regroupés et qu'ils soient ensemble. On sait qu'il y a des réticences. Les réticences restent, l'inquiétude reste, ce qui est normal parce qu'il y a quand même un passif. Par contre, on va participer au processus, on va travailler et on sera vigilant, on fera en sorte que ça se passe bien. James avec Loïc Braillet. Les autres matchs de cette 8e journée de Ligue 1, Caen contre Toulouse, Dijon contre Montpellier, Monaco qui se déplace à Metz, Nantes qui joue contre Bastia et Lille qui accueille Nancy. Hier soir, victoire à l'arraché de Rennes face à Guingamp 1-0. Début de la 7e journée du Top 14 aujourd'hui avec au programme du Racing 92 un périlleux déplacement à Brive. Les Corréziens ont effectué un début de saison en fanfare alors que les Franciliens sont à la peine. Alors le demi d'ouverture du Racing 92, Rémi Thalès s'attend à un gros match cet après-midi. Dans la tête de tout le monde, Brive, c'est le petit poussé, alors que ben, on sait que nous, c'est plus le cas. Là, ils sont allés gagner à Toulon, ils font un très bon début de saison et on s'attend à un match très très rude, voilà, surtout que Brive à domicile, ils sont très très forts, voilà, c'est qu'ils sont hyper conquérants, hyper agressifs et hyper en place. Et donc voilà, ça va être à l'extérieur, je pense que c'est un des plus gros matchs à jouer. Rémi Thalès au micro RMC de Laurent Desprez. Deuxième journée du Rallye de France de Corse aujourd'hui. Parmi les 140 pilotes engagés, il n'y a que 7 femmes, dont Vanessa Lemoine, qui a rencontré Camille Gelpi. Née dans une famille de passionnés, Vanessa a fini, elle aussi, par se lancer en rallye. Sans penser que ça allait vraiment me plaire. On va dans l'inconnu, on va dans un sport de garçon. Pourtant, dès les premiers virages, il y a 15 ans, c'est le coup de foudre. Ce que j'aime, en fait, c'est la vitesse. Hein. C'est vraiment des sensations qu'on retrouve nulle part ailleurs. Petit à petit, elle progresse dans cet univers bien masculin. Quand j'ai commencé, je dirais que les femmes se comptaient sur les doigts d'une main. Maintenant, voilà, c'est quand même beaucoup plus courant. Mais encore compliqué d'accéder au haut niveau. Elle fait équipe avec Romain Martel dans la voiture, comme dans la vie. Mais sur les routes, pas question d'être la femme de... En course, on est en course, ça veut dire qu'on est coéquipier. Je ne me mêle pas de ce qu'il a à faire, il ne se mêle pas de ce que j'ai à faire. Quand on est en rallye, on est vraiment collaborateur. À une exception près. On se fait un bisou à la fin du rallye, quand on est à l'arrivée et qu'on est content de nos performances. RMC, il est 9h, passé de 8 minutes, l'heure des pronostics avec François Sorel. Et un tiers écarté Quintet Plus à Chantilly cet après-midi, Claire. Et Sébastien Arras fait confiance au 15 Super City et au 10 Santa Manza. Brahim Asloum reste fidèle au 3 Écureuil et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 4 Roero et le 13 Indicas. Le 15, le 10, le 3, le 4 et le 13. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant sur RMC, deuxième partie de notre week-end des experts maison. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réparer tous nos appareils que l'on achète et dont on se sert tous les jours? Comment peut-on aussi éviter les dépannages d'urgence et les arnaques aux dépannages d'urgence? On va en parler avec nos invités. Et bien sûr, vos témoignages, vos questions. 32 16, on est là dans une minute. À tout de suite. RMC. Le mondial de l'automobile de Paris ouvre ses portes aujourd'hui et c'est le moment pour tous les passionnés de découvrir en exclusivité les nouveautés de la marque Renault. Du 1er au 16 octobre, Renault vous accueille sur son stand et sur le hashtag Renault Live pour vivre avec vous une quinzaine inoubliable. Rendez-vous aujourd'hui sur le stand Renault pour découvrir Nouveau Scénic. Ne manquez rien de cet événement et suivez-le aussi sur le hashtag Renault Live. RMC. Montez le son de votre radio, montez, montez! Il y a un nouveau prix inratable chez U. C'est au rayon boucherie, l'épaule de porc sans os à rôtir, origine France, est à 2,97€ le kilo seulement! Impossible! Si, 2,97€ le kilo, la savoureuse épaule de porc! C'est inratable! Faites-moi plaisir, ne le ratez pas! Ce serait dommage pour vous! Oh non, ce serait trop dommage! C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants et sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants! Monoprix, tu sais que t'es une vraie blogueuse beauté quand tu te remaquilles dès que quelqu'un sort son portable dans la rue? Et tu sais que t'es encore plus une blogueuse beauté quand tu sors faire ton shopping make-up chez Monoprix et que tu tweets que tu fais ton shopping make-up chez Monoprix. Exceptionnellement ce week-end, Monoprix vous offre 20% de réduction sur tout le rayon maquillage de votre magasin. Et en plus, pendant les 9 jours Monoprix, profitez de centaines de promotions jusqu'au 9 octobre. Monoprix. Conditions et magasins participants sur monoprix.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Bon ben... On est dans les choux, c'est ça? Dans le chou-fleur, oui. Moi je suis chez Lidl. Et aujourd'hui, le chou-fleur est à 99 centimes pièce. Non! Si patron, moins d'un euro la pièce et origine France en plus. Ah, le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire. Et ça te fait rien. Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Pardon patron, désolé, mais on est mal. T'as raté? Oui, mais là, on est très mal, hein? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine France, catégorie 1. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Et nous sommes de retour, c'est RMC, c'est le week-end des experts chaque samedi et dimanche. Comment ? Vous ne savez pas que nous sommes là chaque samedi et dimanche entre 6h et 10h sur RMC. Les meilleurs experts de France sont là pour des rendez-vous exclusifs RMC. Le jardin, la maison le samedi, les animaux, l'automobile demain dimanche. À chaque fois 2h, les meilleurs experts sont là et répondent à toutes vos questions. Alors là, on est au cœur de ce rendez-vous maison jusqu'à 10h avec Christian PC, que l'on surnomme The King of the Bricolage dans le monde entier. Et Christian, aujourd'hui, nous allons parler du dépannage de nos appareils avons à la maison. Et la réparabilité, ça va me faire tuer par les puristes de la langue française. Oh là là. Vos équipements et matériel domestique sont-ils réparables? Le seront-ils toujours dans quelques années? Pourrez-vous trouver les pièces détachées? Et pendant combien de temps? Et si oui, par qui et comment se faire dépanner sans se faire arnaquer? Ça a été évoqué par François il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut le faire soi-même? Eh bien, toutes ces questions, on va les traiter avec nos invités. Nous sommes avec Guillaume Musère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de HomeServe, une société de services pour la maison, les dépannages, les réparations, plomberie, électricité, électrager essentiellement. Ce sont les thèmes. Nous sommes aussi avec Anémone Bérès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la fédération Envie, c'est une structure nationale d'insertion spécialisée dans le reconditionnement, le recyclage des équipements électroménagers, et vous lancez aujourd'hui un repair truck. Vous voyez mon accent. Là, sur les routes de France jusqu'au 8 octobre, ça pouvait pas tomber mieux. Impressionnant. Pour sensibiliser la réparation des matériels dans le réseau des 50 magasins Envie. Baptiste Laurent, directeur des opérations chez Spareka. Bonjour. Bonjour, une entreprise spécialisée dans la vente de pièces détachées sur Internet et qui développe beaucoup de tutoriels vidéo. Voilà. Bon, la première des questions qu'on se pose, c'est, on parle d'obsolescence programmée depuis très longtemps. Est-ce que les fabricants, de façon sournoise, calculeraient le temps de vie des matériels pour qu'ils soient ensuite remplacés? On a en ligne avec nous Laetitia Vasseur, qui est fondatrice de HOP, H-O-P, Halte à l'obsolescence programmée, qui est un site sur le sujet. Bonjour Laetitia Vasseur. Bonjour. Alors, bonjour. Pour vous, votre religion est faite. Vous considérez que tous les fabricants sont des un peu arnaqueurs et auraient donc sournoisement programmé la fin de vie de leur matériel. Est-ce que c'est pas un peu excessif, ça? Alors, j'ai dit que tous les industriels étaient des... Pas tous. C'est clair que l'obsolescence programmée, c'est une chose qui, selon nous, existe, et selon le gouvernement et la loi, puisque maintenant, c'est un délit. Donc, c'est bien reconnu comme un fait existant. Par contre, en effet, tous les industriels ne sont pas forcément coupables d'obsolescence programmée, heureusement. D'accord. Est-ce qu'il y a des catégories de produits dont l'obsolescence programmée serait plus évidente que d'autres, Laetitia? Oui, alors tous les produits, les équipements électriques, électroniques sont souvent plus sensibles à l'obsolescence programmée. Donc ça va être le petit électroménager comme la cafetière, la bouilloire, mais aussi les télévisions et le plus gros aussi comme les lave-linges, les machines à laver, des choses comme ça. Ça va être les objets les plus sensibles, mais après ça peut toucher vraiment beaucoup d'objets. Mais alors est-ce que c'est pas quand même exagéré de parler, je dirais, parce que ça serait vraiment une sorte de complot sur que ferait un certain nombre. Est-ce que d'un autre côté, tout bêtement, je prends aussi l'exemple de l'automobile. On sait très bien qu'un disque d'embrayage, il va pas durer 300 000 km. Donc là, est-ce que c'est pas la même chose? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a pas tout simplement la connaissance du fait que certains matériels, au bout de X années ou X heures de fonctionnement, vont de toute façon devoir être remplacés ou avoir un dépannage. Mais il y a des objets qui, naturellement, enfin les matériaux ne durent pas éternellement. Mais après, est-ce qu'il y a une volonté de durabilité ou une volonté de limiter par des coûts économiques d'une part et parfois par des stratagèmes d'autre part, c'est une réalité. Il y a différents types d'obsolescence programmée, oui. En fait. Il y a l'obsolescence technique qui va être, par exemple, de pas pouvoir enlever sa batterie de téléphone, donc ça va accélérer là c'est autre chose. Vous voulez dire par là que il y a des choses, on sait que ça va s'user, par exemple des charbons sur un moteur, mais que le fabricant ferait en sorte qu'on ne puisse pas ouvrir son matériel. Voilà, c'est ça, c'est ça, l'obsolescence se manifeste de différentes façons. Parfois, ça va être les stratégies vont être plus ou moins larges. Ça va, des fois, ça va être juste empêcher la réparation, empêcher de changer simplement sa batterie pour garder son appareil plus longtemps, avoir des pièces qui sont placées à un endroit où ça va pas être très stratégique pour que l'appareil dure plus longtemps. Des fois, c'est de l'obsolescence esthétique aussi. C'est vraiment essayer de convaincre les gens qu'il faut changer très régulièrement alors que l'appareil marche encore. Oui. Anne-Emmanuel Berès, là, vous n'êtes je vois que vous n'êtes pas tout à fait donc de chez Envie, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce discours. Alors, c'est pas que je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense qu'en fait, quand on parle d'obsolescence programmée, évidemment, on inquiète beaucoup le consommateur et c'est parfois juste et parfois c'est plutôt un terme qui plaît beaucoup et qui est très facilement repris dans les médias. Pardonnez-moi, Christian. La réalité en fait est plus complexe. Je pense que Laetitia était en train de commencer à l'expliquer. Il y a des produits tout à fait innovants où le design est un élément très important. Elle a cité les téléphones et là, je pense qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est pas aussi le consommateur qui est un peu coupable. En tout cas, il pousse lui aussi, il favorise un certain gaspillage et on va dire qu'il pousse pas pour l'instant dans le sens de la durabilité, pour reprendre les jolis mots, nouveaux mots de la langue française. Chez Envie, on a quand même l'expérience depuis 32 ans de réparer, par exemple, des machines d'électroménager Leblanc, que Laetitia a cité tout à l'heure. Objectivement, nous, les machines qu'on répare, elles ont à peu près 8 ans d'âge, on les répare, on trouve des pièces, on trouve même on récupère les pièces, parfois, sur certaines machines qu'on ne peut pas réparer, et on peut les remettre en vente, les réemployer, les réutiliser, même avec garantie. Donc là, il y a une réparabilité. D'accord. Merci Laetitia Vasseur, je rappelle votre site www.halt à l'obsolescence programmé tout d'un seul mot, c'est pas simple, hein, .org, enfin bon, il y a rien entre les lettres, donc halt à l'obsolescence programmée.org. Oui, mais c'est vrai qu'après tout dépend des catégories de d'appareils. Oui. Madame a raison. C'est vrai qu'une machine à laver, on trouve normal de la garder 8 ans. Oui. Mais un smartphone aujourd'hui, on n'envisage pas de le garder 8 ans parce que le progrès technologique est tel qu'au bout de 3 ans, il va être obsolète. Mais par rapport à l'ère du temps. C'est si vrai. Vous mais je titillerai un peu là-dessus, un peu trop tout à l'heure de chez Seb. J'ai quand même l'impression parfois que les fabricants font tout pour qu'on puisse pas accéder aux vis de démontage des appareils. Oula. On va en parler. Allez, 9h19, on revient dans un instant. Christian est un petit peu énervé, vous l'avez remarqué. Non, non, mais on va essayer de le calmer pendant la pause là. Et on revient, à tout de suite. RMC 8h10, votre maison. Moteur, action. Orage, oh, désespoir. Désolée, je dois filer, c'est l'alerte discount. Aujourd'hui, le raisin blanc est à 89 centimes le kilo chez Netto. 89 centimes le kilo. Coupé, c'était parfait. Netto, le discounter qui fait la différence. Origine Italie, variété Italia, catégorie 1. Qui fait mieux que Conforama? Ce week-end, du 30 septembre au 2 octobre, Conforama vous offre 50 euros en bon d'achat par tranche, 300 euros d'achat sur tout le magasin. 50 euros offerts ce week-end? Eh oui, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine. Voir conditions sur Conforama.fr. Alerte Coyote. Offre d'essai exceptionnelle. Testez Coyote, l'avertisseur en temps réel gratuitement pendant 3 mois et sans obligation d'achat. 3 mois, oui, 3 mois d'essai gratuit. Sautez le pas et repartez sans payer. En exclusivité dans nos boutiques Coyote ou sur moncoyote.com. Coyote, roulez en sécurité en gardant vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. À l'occasion de la sortie au cinéma de Snowden, RMC vous invite à l'avant-première officielle du film. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Coupable ou innocent? Ils nous surveillent? Nous sommes tous sur écoute. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Pour gagner votre passe VIP, envoyez tout de suite VIP par SMS au 73216. 65 centimes par envoi plus prix du SMS, de SMS maxi. Snowden, le nouveau film d'Oliver Stone. Au cinéma le 1er novembre avec RMC. Le mois Carrefour! Oh là là, maman, le mois Carrefour s'arrête bientôt! Oui, mais il y a encore un deal du jour complètement renversant! Dès demain, il y a 10 euros en bon d'achat par tranche de 20 euros d'achat sur tout le textile! Génial! C'est parti pour un tour! Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Demain, dans vos hypermarchés Carrefour, profitez de 10 euros en bon d'achat par tranche de 20 euros d'achat sur tout le rayon textile. Bon d'achat cumulable, valable du 3 au 16 octobre. Offre limitée à 10 bons d'achat. Voir conditions et magasins participants sur carrefour.fr. Carrefour. RMC jusqu'à 10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. 9h21, c'est le week-end des experts, c'est la maison. Et on vous propose jusqu'à 10h un spécial dépannage en compagnie de Christian et nos invités. Et de nos invités, Alémone Berès de chez Envie, Guillaume Muser de chez HomeServe, Baptiste Laurent de chez Spareka. Et puis, en ligne, qui nous attend? Eh bien, Alain Potrot, qui est directeur de, alors tenez-vous bien, de la satisfaction des consommateurs. Ça doit être une expression pour dire, pour les réclamations. Et de l'après-vente dans le groupe Seb. Bonjour Alain Potrot. Bonjour Christian. Bonjour. Alors vous avez dans le groupe Seb, vous avez pris une initiative, c'est la garantie de réparabilité des matériels de vos marques pendant 10 ans. Ce qui veut dire que c'était pas le cas avant. Alors en fait, la marque Seb, tout le monde a en tête une cocotte minute qu'on gardait 10, 20, 30 ans. Donc c'était tout à fait naturel pour nos marques, pas seulement Seb, mais Roventa, Tefal, Krupp, Scalor, Moulinex, que nos produits soient conservés longtemps. De ce fait, depuis quelques années, on a vraiment tout mis en place pour que nos produits soient réparables et c'est devenu un des principaux critères de recherche et développement et d'évolution de nos produits. Ça veut dire qu'on s'assure, lorsqu'un produit est mis sur le marché, désormais, qu'il sera totalement démontable, qu'il n'y aura pas nécessité d'avoir des outils spécifiques comme vous le suggériez tout à l'heure. Je le dénonçais parce que je cite souvent, et on en avait parlé lorsque je vous avais eu au téléphone, c'est que par exemple, ouvrir un fer à repasser, c'est quasiment impossible. Et je n'ai pas eu le temps, mais je ne vous cache pas que je vais aller voir si les vôtres sont effectivement ouvrables aujourd'hui, parce que en principe on met une empreinte totalement exotique au niveau du tournevis entre guillemets, l'embout de dévissage dans un puits qui fait 5 cm de profondeur et 3 mm de diamètre, ce qui fait qu'aucun tournevis en fait ne permet d'y accéder. Vous nous garantissez que ça c'est fini? Alors ça n'a jamais été le cas globalement sur nos propres produits, mais je vous engage effectivement à essayer de réparer un fer. Vous verrez qu'on est sur des vis standards, des vis cruciformes standards, que l'accès y est facile, et il est tellement simple qu'on commence aujourd'hui à proposer les pièces directement pour que vous puissiez réellement intervenir, que quelqu'un qui irait dans un repair café puisse intervenir s'il ne veut pas aller chez un de nos réparateurs, voire lui donner accès à la documentation, parce que la législation française nous oblige à fournir un certain nombre d'informations quand on fournit une pièce. Oui. Donc en l'occurrence, si vous voulez changer une semelle de fer, vous aurez également un mode d'emploi du remplacement de la semelle de fer qui vous sera fourni avec. D'accord. Donc c'est complètement l'idée. Bon. Malgré tout, effectivement, la disponibilité des pièces, c'est important. Il faut aussi s'assurer que la pièce, on l'aura longtemps. Donc pour ça, on stocke des pièces pendant de nombreuses années. On les stocke pendant 12 à 15 ans à partir du moment où on arrête de fabriquer le produit. Et puis surtout, il faut qu'elle soit bon marché. Il ne faut pas confondre souvent le fait de proposer les pièces avec le fait de les proposer à un coût raisonnable. Parce que ça, si ça coûte plus cher de réparer que de racheter, évidemment, c'est un peu problématique. On arrive au problème. Voilà, et l'évolution aujourd'hui, c'est que nos produits sont globalement très réparables. On estime que 97% des produits qu'on commercialise en Europe sont totalement réparables, mais c'est pas assez connu. Les consommateurs n'ont pas assez l'image que réparer c'est possible, que réparer c'est économique, que c'est bon. Et donc la grosse évolution, c'est que depuis le mois de septembre, on appose sur nos produits, en tout cas sur les 97% qui sont vraiment réparables, on appose désormais un logo produit réparable 10 ans, pour justement inciter le consommateur à faire cette démarche, également à choisir plutôt des produits qui seront effectivement avec un gage de durabilité et d'usage longtemps. On disait tout à l'heure que certaines pièces, quelquefois, vont devoir être changées malheureusement parce qu'il y a des pièces qui vont s'user. Donc il faut être certain qu'on pourra intervenir sur son produit et que ce sera économique et profitable. Et vos garanties, c'est combien aujourd'hui? Parce que vous parlez, c'est-à-dire combien de temps c'est gratuit ces réparations et ces objets et ces pièces? Alors, la garantie elle-même, c'est 2 ans. La garantie, d'ailleurs, toutes les études de consommateurs montrent que les consommateurs veulent que la garantie couvre un produit qui aurait été mal fabriqué. Pas la notion de durée d'usage, de qualité d'usage. Ce qu'ils veulent, c'est par contre pouvoir intervenir si nécessaire. Donc la garantie gratuite, c'est 2 ans. Et globalement, elle agit surtout dans les 6 premiers mois, on va dire, là où vraiment on va détecter un défaut. Et puis par contre, si on a besoin d'intervenir sur une cafetière, sur un grille-pain, évidemment, sur un aspirateur, sur tout ce genre de produits, on pourra intervenir au bout de 7-8 ans, soit par le réseau de réparateurs, et en France, mais également si vous déménagez à Londres ou à New York ou à Tokyo, les réparateurs auront toujours accès aux pièces, y compris pour des produits vendus spécifiquement en France, puisque d'accord, c'est une promesse internationale de suivre votre produit et de s'en occuper partout. Baptiste Laurent de chez Spareka, donc spécialisé dans les pièces détachées, très rapidement, c'est vrai, on peut trouver toutes les pièces détachées de tous les matériels aussi facilement qu'il l'est dit là? Alors c'est vrai que c'est une des difficultés de trouver les pièces détachées. Ce qui est surtout difficile, comme on disait tout à l'heure, c'était l'accessibilité aux pièces. Donc parfois en fait ce sont les tournevis qui sont difficiles à trouver. Mais c'est ce que je disais. Voilà, donc exactement. Alors j'ai pas d'exemple précis sur Seb, mais on a un exemple sur un grille-pain Kenwood qui est assez connu chez nous, enfin qui coûte 90€ le grille-pain et l'outil pour y accéder en fait coûte 40€. Donc les pièces sont accessibles derrière. Oui. Vous pouvez trouver un petit mécanisme. J'espère qu'il marche bien le grille-pain. il doit bien marcher. Après j'étais curieux de savoir sur les quatre, enfin vous dites chez Seb qu'il y a 97% de machines qui sont réparables et donc ça veut dire que vous avez pertinemment identifié qu'il y a 3% de machines qui sont non réparables. Et alors je suis curieux de savoir quelles sont ces machines, parce que chez nous on prône vraiment que l'ensemble est vraiment vraiment réparable. Alors clairement, on veut avoir une promesse qui soit vraie et ne pas s'engager sur des produits pour lesquels on ne serait pas sûr d'assurer un consommateur qui pourra économiquement réparer un produit. Ça ne veut pas dire que ce sont des produits qu'on ne pourra pas essayer de réparer, on pourra les démonter. S'il y a juste besoin de faire de la maintenance ou un nettoyage, le produit sera réparé. Par contre, clairement, pour parler de réparabilité, on a dû définir des critères de réparabilité. C'est ainsi qu'on définit si un produit est réparable ou non. En l'occurrence, un des critères, c'est est-ce que les principaux risques de panne vont nécessiter des pièces éventuellement trop coûteuse. On a des produits pour lesquels la pièce principale représente quasiment le cœur du produit. Oui, donc à des lisseurs de cheveux, tout comme ça. Et sur ce genre de pièces, parce qu'on estime, nous, que la pièce principale est trop coûteuse, on estime qu'on ne peut pas s'engager sur la réparabilité. Donc on veut vraiment avoir une promesse honnête. Aujourd'hui, il y a eu trop de promesses et trop d'annonces sur de la disponibilité, pour que les consommateurs soient perdus, et c'est ce qui les amène à finalement ne pas croire que réparer c'est possible, au moins pour certains produits. Alain Popro, merci beaucoup. On revient dans un instant, Christian, le 3216, maison@rmc.fr, météo info, et on repart justement dans la réparation. À tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, votre maison sur RMC. Avoir bien chaud pour bien moins cher, c'est le pari de l'or pour cet hiver. Alors elle profite des promos de la rentrée chez Bricomarché. Vous avez des idées ? Bricomarché a les prix. Du 30 septembre au 1er octobre, Bricomarché crédite sur votre carte de fidélité 5€ par tranche de 50€ d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 5€ tous les 50€ d'achat, infos et magasins participants sur bricomarché.com. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation. Voir Renault.fr. Jusqu'à demain, les meilleurs pilotes de rallye du monde s'affrontent sur les routes du Tour de Corse WRC avec RMC. Qui empêchera Sébastien Ogier de remporter un quatrième titre de champion du monde ? Mikkelsen, Padon et Latvala se lancent à sa poursuite. Suivez le Tour de Corse sur tourdecorse.com, Facebook et Twitter. Le rallye Tour de Corse WRC, c'est jusqu'à demain avec RMC, radio officielle. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez toujours votre cape de super-héros ? Toujours, Michel. La super rentrée Carrefour Market et les super pouvoirs, ça continue. Vous avez jusqu'à demain pour finir votre collection exclusive de 16 figurines des super-héros Marvel, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine offerte par tranche de 30€ d'achat. Ah super, c'est mon neveu qui va être super content. Carrefour Market. Offre soumise à conditions, modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Un coup d'œil sur la météo de ce week-end avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. C'est bien globalement grisaille et pluie vont dominer sur une large partie du pays. Toute la journée, on va retrouver des pluies orageuses autour de la Méditerranée. À noter que les Bouches-du-Rhône et le Gard sont encore placés en vigilance orange, orage, inondation aujourd'hui. Au nord de la ligne Nouvelle-Aquitaine-Grand Est, c'est de la pluie qui va dominer. Localement, on pourrait même entendre quelques coups de tonnerre. Et au cours de la journée, eh bien ce temps instable va se déplacer. On va le retrouver entre le Massif central, l'Alsace et la Franche-Comté. Et il va amener avec lui, eh bien, des orages et de possibles averses de grêle. Partout ailleurs, le ciel sera variable tout au long de cette journée. Pour les températures, ce matin, comptez entre 9 et 18 degrés. Cet après-midi, entre 16 et 26, on attend 17 degrés à Lille, 18 à Paris, 23 à Marseille et la maximale 26 degrés pour la Corse à Ajaccio. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. C'était RMC, il est 9h30. Un point sur l'actualité, Claire Cecchiaglini, bonjour Claire. Bonjour, plus d'un million de visiteurs attendus au salon de l'automobile qui ouvre ce matin, porte de Versailles à Paris, en vedette les modèles de voitures électriques. Les agents de la RATP et de la SNCF autorisés à porter une arme à feu et à travailler en civil, le décret le plus attendu de la loi Savary a été publié aujourd'hui au journal officiel. Un adolescent de 15 ans placé hier en détention provisoire après avoir été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et criminels, ce collégien inconnu des services de renseignement était en lien avec Rachid Kassim, le propagandiste de Daesh. Et puis un homme de 29 ans a lui été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour avoir incité un de ses correspondants sur Telegram à commettre un attentat en France. Nicolas Sarkozy dégringole après une semaine noire, marquée notamment par la sortie du livre de Patrick Buisson. L'ancien chef de la TAP perd 12 points d'opinion favorable auprès des sympathisants des Républicains, résultat d'un sondage BVA pour Orange. L'ouragan Matthew vient d'être classé en catégorie 5 sur une échelle de 5, les vents soufflent à plus de 270 km/h et devraient bientôt toucher la Jamaïque et Haïti. Une poignée d'ultras du PSG de nouveau autorisée à se rassembler dans les tribunes du Parc des Princes, une première depuis 2010. Ce sera cet après-midi pour le match PSG contre Bordeaux, hier soir pour le match d'ouverture de la 8e journée du Ligue 1. Rennes est venu in extremis à bout de Guingamp, résultat 1-0. En Ligue 2, Rennes se hisse à la première place du classement après sa victoire hier soir sur Auxerre, 3-0. Il est 9h passé de 32 minutes. Tout de suite, le retour de François Sorel et des experts. Et Christian Pessé à mes côtés, Claire Cecchiaglini. On vous retrouve demain matin, dès 6h sur RMC. On repart dans le dépannage, un spécial dépannage de nos appareils domestiques. C'est jusqu'à 10h. À tout de suite. Retrouvez tous les shows d'RMC en podcast sur rmc.fr. Attention, Christian Pessé. C'est l'heure de la question flash. Oui. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Sophia. J'ai l'intention de me lancer dans de petits travaux en électricité, nous dit Sophia. Et vous avez un jour parlé du code des couleurs pour les fils. Oui. Ah, on se croirait dans un film d'espion. Oui. Vous savez, au bout d'un moment, il faut qu'il débranche la bombe. C'est exactement ça. Pourriez-vous me préciser et me dire à quoi ça sert? Alors, les différentes couleurs des conducteurs électriques, eh bien, ça sert à les identifier et à éviter les erreurs de branchement et de raccordement qui font... Ou qui font que la bombe pourrait se déclencher, pour reprendre l'image d'un film célèbre. Alors, à la base, tout circuit électrique en monophasé, ce qui est la grande majorité des installations domestiques, eh bien, est constitué de 2 conducteurs actifs, la phase et le neutre, et qui permettent de transporter le courant, et d'un conducteur passif pour le retour à la terre en cas de perte de courant au niveau d'un appareil par défaut d'isolation. Alors, à la sortie du disjoncteur après compteur, disjoncteur d'abonné, comme on l'appelle, eh bien, ces conducteurs sont rouges pour la phase et bleus pour le neutre. Alors, le conducteur de terre, lui, il est jaune, vert ou vert jaune. En principe, il est vert jaune d'ailleurs. D'accord. Alors, ce qu'on peut dire comme règle, c'est que le neutre, eh bien, il reste toujours bleu. Donc, ça, pendant toute l'installation, on sait que le neutre sera bleu. La terre, elle est toujours jaune, vert ou vert jaune, comme je l'ai dit. Et alors, il n'y a que le conducteur de phase qui, lui, peut en revanche être de toute couleur autre que celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le bleu, le jaune, le vert et le jaune vert. Donc, il peut être rouge. Alors, il peut être rouge, il doit être rouge même au départ. D'accord. Mais après, il peut être, par exemple, marron, il peut être noir, il peut être orange. Et pourquoi il change de couleur? Eh bien, parce qu'il change de couleur au passage d'un interrupteur, ou d'une connexion, ou d'une dérivation. Comme ça, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé juste avant le moment où on a cette couleur. C'est imparable, il faut les respecter, ces couleurs. Bravo, Christian, je n'ai pas perdu le fil. Le 32-16 pour toutes vos questions maison, à tout de suite. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 10h, votre maison... François Sorel, Christian Pesset. RMC 9h35, le week-end des experts, la maison. On parle de dépannage des appareils domestiques, on a parlé d'obsolescence. Christian, j'étais en train de me demander, le laser automatique 360 degrés que nous offrons. Est-ce qu'il est réparable? Est-ce qu'il sera victime de l'obsolescence programmée? On va pas beaucoup toucher aux têtes laser, hein, on va quand même s'abstenir. Oui, ça laser. Alors à quoi sert ce joli cadeau que nous offrons à nos auditeurs? À déterminer les horizontales, les verticales de niveau, c'est-à-dire celles qui sont... Pour les lignes horizontales, parfaitement droites, ça remplace le niveau à bulles. Ça permet donc de déterminer et de contrôler toutes les horizontalités, toutes les verticalités qui, elles, se contrôlaient traditionnellement avec un fil à plomb. vous savez qu'on le, on l'offre avec un trépied. Voilà, on vous l'offre avec un trépied. C'est un cadeau qui vous est offert par RMC et par le magazine System D. Pour remporter ce laser, donc, n'hésitez pas. Il suffit de nous envoyer le mot maison par SMS. Donc, vous tapez maison sur votre mobile. Maison par SMS au 732-16 et vous participerez au tirage au sort. Bonne chance! Christian. On continue. Oui, et vous savez quoi? J'ai l'impression qu'Annie, qui nous a appelé au 32-16, est un petit peu comme vous. Elle est un petit peu énervée. Eh bien. Non, mais si vous voulez, on la prend pas. Hein. C'est si, comme vous voulez. Prenons Annie, allons-y. Vous connaissez bien une Annie, oui, en plus. Oui, bien sûr, j'en ai une et c'est son anniversaire. C'est pas vrai? Oui. L'anniversaire. Voilà, l'anniversaire. Oh, c'est mignon. Voilà. On fait une grosse bise à Annie, qui est votre femme, bien évidemment. Mais je crains fort que l'Annie que nous ayons au téléphone ne soit pas votre femme. Ou alors, ça serait une sacrée surprise. C'est ça. Bonjour Annie. Oui, bonjour monsieur. Non, je suis une Annie, mais pas une. Voilà, d'accord. J'ai bien douté un peu. Qu'est-ce qui vous arrive, Annie? Racontez-nous. Ben voilà, donc voilà, justement, votre émission me concernait parce que je suis revenue de vacances et avec mon PC portable, donc je l'ai rebranché à ma résidence principale et puis il s'est mis à chauffer. Et puis voilà, donc il n'a plus rechargé, il s'est éteint. Alors donc j'ai eu une adresse d'une réparatrice, oui, qui est venue chez moi et qui m'a dit, donc elle a démonté, elle a enlevé, donc elle a regardé le disque dur, elle a senti, elle a dit non, on n'a pas brûlé. Et elle m'a dit, ben je vais vous le prendre, je vais vous l'ausculter. Et elle l'a ausculté, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, il est mort. Voilà. Alors, Il n'y a plus qu'à l'enterrer. Mort et enterré. Voilà. Achetez vite un ordinateur, je viendrai vous replacer vos données. Vos données par le disque dur. Oui. Alors, je me suis précipitée au magasin à côté où je l'avais acheté. J'ai dit, voilà, il n'a que 5 ans. Et comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a chauffé. Ah, ben, c'est le ventilateur. C'est normal, mais 5 ans, c'est très bien. Vous l'avez bien gardé. C'est super. Alors, je dis quand même, c'est court, 5 ans. Bon, donc, j'en ai acheté un plus fort, plus puissant, plus cher. Ouais, plus fort. Et voilà. Donc là, c'est le coup de gueule que vous voulez poser. Cela dit, vraiment... 5 ans pour un PC, voilà, c'est pas mal quand même. C'est un peu le constat et le coup de gueule. Voilà. Voilà. Alors, en quelques mots, Baptiste Laurent chez Sparica, vous vendez des ventilateurs sur votre site ou des composants pour les ordinateurs aussi? Alors nous, on s'occupe pas de la partie ordinateur et multimédia, donc on fait vraiment tout ce qui concerne l'électroménager. Après, ce que j'ai envie de répondre à Annie, c'est que par rapport à sa panne, le meilleur ennemi d'une panne, c'est la connaissance du produit. Donc en fait, il faut savoir comment bien entretenir son produit. Donc par exemple sur un PC, souvent ce qui arrive, c'est que les grilles de ventilation, il faut bien qu'elles soient débouchées, que ce soit bien clair, que l'air passe. Oui. Il faut jamais que le PC soit dans une zone où il n'y a pas de ventilation ou d'air qui chauffe trop. Qui rentre dans voilà, non, mais attendez, normalement remplacer un ventilateur, c'est pas la mort sur un ordinateur, sauf sur un portable où là c'est un peu plus compliqué, mais sur une tour par exemple c'est vraiment rien, non? Mais oui, et pour le coup l'accessibilité de ce type de pièce est facile. Démonter un PC portable, vous le retournez, il y a quelques vis à démonter, on trouve facilement des didacticiels, donc un peu comme nous on fait sur spareka.com, mais là c'est sur l'informatique. Vous pouvez démonter et ensuite trouver facilement exactement la même référence, puisque toutes les pièces en informatique sont très bien labellisées. Donc voilà. L'incitation à la réparation, ça nous fait une bonne transition. Alimone Barès, qui est présidente de la fédération Envie, c'est votre dada en ce moment. Vous lancez justement une opération sur le sujet. Comment ça marche? Ben oui, on va à la rencontre d'Annie et des autres nombreux en fait personnes aujourd'hui en France qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur la réparation et les possibilités de réparation de leurs appareils. Alors on a imaginé ce premier repair truck. Nous, c'est pas un repair café, c'est le repair truck d'Envie, qui est d'ailleurs aujourd'hui place de la Bastille à Paris, qui va se promener pendant 8 jours dans les plus grandes villes de France, là où il y a également des magasins Envie. Il faut aller sur votre site pour savoir les différentes. Il sera à Rennes à partir de demain, Nantes, à Bordeaux, Toulouse, place du Capitole, Lyon, Lille, place de la République, à Strasbourg. Donc une semaine pour aller au devant des consommateurs et leur expliquer qu'il y a beaucoup de gestes simples et qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes, à commencer par exemple pouvoir éliminer le calcaire dans les bouilloires et les fers à repasser. On en a parlé tout à l'heure. Ce sont des pannes très fréquentes. Et ça veut dire qu'Envie aujourd'hui peut réparer nos matériels aussi? C'est un nouveau service? On fait ça justement parce qu'on voudrait faire savoir qu'Envie, qui répare et revend et rénove du matériel électroménager, des lave-linges, des lave-vaisselle depuis plus de 30 ans, en récupérant des déchets. Ce que le consommateur croit être un déchet. C'est une très bonne action. Voilà, vous faites à la fois de la réinsertion et vous permettez d'acquérir des matériels à des prix tout à fait incroyables. On lutte contre

Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous demain, midi, sur BFM TV pour BFM Politique. Et cette semaine, je reçois Michel Onfray, l'un des philosophes les plus lus et les plus controversés du moment. Il parle de guerre civile, de responsabilité des politiques dans les attaques terroristes, provocation ou réelle liberté de ton. BFM Politique, demain 12h-14h et 18h-20h sur BFM TV avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. 10h moins le quart, c'est RMC, le week-end des experts. La maison, on est ensemble jusqu'à 10h avec Christian Pesset, nos invités. Juste après, vous retrouverez les GG du sport. Christian, on poursuit et on conclut donc sur notre sujet, sur le dépannage. Oui, aujourd'hui, on parle du dépannage, de la réparabilité. Et on va passer maintenant à la notion de dépannage et de réparation à domicile, dans les domaines, par exemple, de la plomberie, l'électricité, oui, et même, évidemment, de l'électroménager. On a avec nous Guillaume Musère, qui est président de HomeServe, qui est justement une structure spécialisée dans ce domaine. Alors, on sait qu'il y a constamment des arnaques dans ce domaine, des prix tout à fait astronomiques qui sont demandés, notamment quand on est en situation de détresse, en la nuit, lorsqu'on a des problèmes de porte, comme on a eu François il n'y a pas longtemps. Donc, lui, vous savez tout sur ma vie. Pas, et il ne s'est pas fait arnaquer parce qu'il m'avait écouté depuis longtemps. Mais bien sûr, c'est vrai. Vous êtes venu me dépanner. Voilà, presque. Guillaume Musère, en quoi une structure comme la vôtre peut être considérée comme sérieuse? J'imagine que vous allez nous dire qu'elle l'est. Mais quelles sont les garanties que vous offrez et qu'est-ce qu'il faut que le particulier, à quoi faut-il qu'il veille pour justement ne pas se faire avoir? HomeServe, c'est effectivement une société qui, depuis 15 ans, intervient dans les foyers français pour des problèmes de réparation ou de dépannage, comme vous l'avez cité, sur la plomberie, l'électricité ou le chauffage. Les arnaqueurs aussi, hein. C'est exact. Bon. Mais HomeServe s'appuie sur un réseau de 3000 professionnels sur le territoire national. Ces professionnels, ils sont recrutés par nos équipes. Ils ont argis du commerce, enfin des métiers ou du commerce, ils ne sont pas tentés. Exactement. Ce sont des vraies sociétés qui sont enregistrées au registre du commerce, qui ont les bonnes certifications que l'on va donc recruter, former, animer pour s'assurer que le jour où nous les déployons sur une intervention, cette intervention ça soit de qualité et faite par un professionnel qui connaît son métier. Alors quelle garantie vous offrez de ça? Parce que ça c'est du discours, je veux dire n'importe quel arnaqueur pourrait dire la même chose. Alors en quoi vous pouvez nous dire, nous on est adossé, je sais pas, à un grand groupe, nous on est, c'est quoi, c'est une structure internationale je crois HomeServe, non? HomeServe effectivement est une filiale d'une société britannique qui est présente dans plusieurs pays dans le monde, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne ou en Italie. La meilleure garantie qu'on peut apporter à nos clients, c'est de leur dire que nous garantissons les réparations qui sont faites pendant un an. Oui. Donc c'est vraiment un engagement fort. Il y a un véritable contrat, quoi. Il y a un véritable contrat de confiance. Nous mesurons le degré de satisfaction après chaque intervention. Et 96% des clients nous disent que l'intervention s'est bien passée. Donc on a vraiment là aussi une vraie qualité de service que l'on offre. Sachant que tous nos contrats sont des contrats d'abonnement et que une non-qualité amènerait... Ah, ce sont des contrats d'abonnement. Alors expliquez-nous, ça veut dire que c'est pas, on paye pas au coup par coup, si peut-être les pièces... Mais comment ça marche alors? Donc vous souscrivez à un contrat d'assistance. Comme une assurance. Comme une assurance, d'ailleurs un contrat d'assurance qui va vous permettre, en cas de besoin, de faire appel à nos services. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sur simple appel, nous allons identifier votre problème et déployer le technicien compétent. L'ensemble des coûts de réparation, de main-d'œuvre ou de pièces sont pris en charge. D'accord, et ça coûte combien? En fonction de la couverture que vous choisissez, ça peut aller de 2 euros par mois à 20 euros si vous choisissez la couverture totale, électricité, chauffage et plomberie. Ça veut dire qu'à 20 euros par mois, je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui interviendra dans un délai raisonnable, j'imagine rapide, en fonction de l'urgence. Tout à fait. Notre engagement, c'est que dans les 30 minutes qui suivent votre appel, on aura organisé l'arrivée d'un technicien qui peut ensuite venir dans l'urgence si c'est nécessaire ou en fonction du client à une heure convenue, sachant que il faut être clair pour notre auditeur, c'est rare qu'il y ait besoin d'urgence. L'urgence, c'est comme vraiment la sécurité des personnes. Oui, il faut pas ou paniquer, des installations. Quoi. Exactement. S'il y a une fuite d'eau, faut commencer par couper l'eau. C'est le premier conseil que l'on donne au téléphone. Oui. Nous assistons. Encore faut-il savoir où est l'arrivée c'est d'eau. C'est ça, c'est ça. Et ça, encore faut-il que... On plaisante, mais c'est bien ça. Sûr. Hein. Mais il faut encore que le robinet, qu'on n'a jamais manœuvré depuis 15 ans, fonctionne. Et puis, si c'est avant le robinet, juste au robinet, ce qui m'est arrivé, bonjour, il faut descendre à la cave en catastrophe pour trouver et couper l'eau de tout l'immeuble. Ça, c'est qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, dans la majorité des cas, on peut circonscrire à l'urgence, mais quand c'est nécessaire, effectivement, nous intervenons dans les heures qui suivent. D'accord. Donc, ça, c'est véritablement des pros. Spareka, vous êtes vendeur de pièces détachées au départ, c'est ça? On peut dire ça sur Internet. Et puis, vous avez développé beaucoup de tutoriels pour que les gens le fassent eux-mêmes, ou est-ce que vous travaillez aussi avec des pros comme OnServe, ou peut-être demain avec Envie? Alors nous, on est un acteur de plus sur le marché. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de plus grande satisfaction que de rencontrer un particulier qui réussit à réparer par lui-même sa machine, parce qu'en fait, quelque part, il y a un accomplissement. Enfin voilà, j'ai réussi à faire quelque chose que je pensais pas faisable jusque-là. Voilà. Donc du coup, nous, on a commencé par travailler toute cette partie-là, c'est-à-dire décomplexer la réparation. Oui. On est dans une société aujourd'hui où on n'est plus comme avant, où il y avait une transmission du savoir du bricolage, etc., de génération. Ça reste quand même un peu vrai. Reste un peu vrai. Le savoir-faire de l'artisan, il existe aussi. De l'artisan, mais beaucoup de familles ne sont plus dans la réparation et dans la compréhension. Oui, dans la famille, le savoir-faire c'est perdu. Le savoir-faire du grand-père, il a disparu. On remet ça vraiment au goût du jour en disant donc la première brique qui est importante, il faut connaître vos machines et finalement c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de savoir la fonction de chaque pièce, il y a besoin de savoir comment elles sont articulées les unes entre les autres et comment identifier une panne qui incombe sur cette pièce ou sur une autre. Voilà. Donc nous on fait toute cette partie-là qui est gratuite, qui est accessible sur le site spareka.com. Mm-hmm. Vous venez, vous rentrez votre référence de machine, vous dites moi j'ai constaté de l'eau qui est ici, et grâce à des constats et des questions simples qu'on va vous poser, on va réussir à vous dire il y a peut-être deux pièces qui sont concernées, une pompe de vidange, une électrovanne, et ensuite on va vous dire par rapport à votre machine, là vous avez peut-être un petit peu peur de la remplacer, regardez, il y a une vidéo en moins de 2 minutes, on vous montre comment le faire, on a plus de 5 millions de vues sur notre chaîne YouTube de réparation. Et donc là, vous regardez la vidéo et 8 fois sur 10, vous arrivez à Baptiste. 8 fois sur 10, mais Baptiste, encore faut-il qu'on ait bien détecté l'origine de la panne. Et c'est tout le monde, ça, non? Non, alors c'est tout notre travail de didacticiel, de simplifier cette approche. C'est-à-dire qu'on va vous poser des questions simples qu'on peut poser à n'importe qui. Il n'y a pas besoin de compétences techniques. Par exemple, je vais vous demander, vous avez une machine Whirlpool, la référence, vous la voyez sur l'étiquette. Je vais vous dire, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que quand vous mettez le programme sur 30, est-ce qu'il y a des voyants qui clignotent? Est-ce que vous avez de l'eau qui s'enclenche? Est-ce que vous avez une flaque d'eau qui apparaît quelque part? D'accord. Par rapport à ces éléments-là, on va aller pas à pas et on va réussir à vous dire, il y a de fortes chances, comme on disait tout à l'heure avec Monsieur Tchesseb, 97%, on va dire, c'est généralement l'électrovanne qui est à l'origine de cette perception que vous venez de visualiser. Est-ce que vous arrivez à connaître les faiblesses de tel ou tel modèle de machine pour les remonter automatiquement, parce que vous savez que sur tel modèle de machine, 80% des pannes, ça va être la pompe ou quelque chose comme ça? Alors ça, c'est justement, c'est tout notre travail. On essaye de travailler de plus en plus avec les marques directement pour leur dire, pour essayer de leur remonter, puisque donc nous en fait on a plus de 200 000 pièces chaque année sur spareka.com qui sont vendues, et donc on essaye de remonter par rapport à des machines. Alors comme je disais tout à l'heure, le premier problème c'est l'accessibilité, et comme le disait donc madame de chez Envie, la plupart des machines sont quand même réparables. Madame de chez Envie, Anne-Emmanuel Berès veut s'exprimer. Oui, effectivement, avec encore une fois 32 ans d'expérience dans la réparation des machines qui au départ sont des déchets, on a pu tracer, on peut tracer et remonter aux fabricants les machines qui se réparent bien. Pour tout vous dire, parfois quand on voit arriver dans nos camions de collecte de déchets certaines marques, on essaye qui peuvent être apparemment en bon état, on n'essaye même pas de les mettre sur la chaîne parce qu'on sait que ça va être des défauts de qualité et qu'on va pas réussir à réparer. Donc il y a un tri qui se fait, il y a des machines qui se réparent beaucoup mieux que d'autres. Très bien, je pense qu'on a bien fait le tour de la réparation. On a Serge Simon qui est arrivé, qu'il va falloir le réparer un peu lui, parce que je trouve quand même qu'il est un peu usé. Malheureusement d'être comme Anémone. Comme Anémone, exactement. Oui. C'est pas ce que je voulais dire. T'es pessimiste, mais je suis comme Anémone, exactement. Vous vous rendez compte, même les animateurs d'RMC peuvent être victimes d'obsolescence programmée. Serge Simon, pourtant, quelqu'un qui pensait qu'il était solide. Les 50 premières années, ce sont plutôt. Non, Serge, j'avais une question. Est-ce que de temps en temps, il t'arrive de réparer certains appareils chez toi? Oui. Non? C'est vrai? Oui. T'es bricoleur ou pas? Oui, absolument.

localement, on pourrait même entendre quelques coups de tonnerre. Au cours de la journée, les pluies orageuses vont se déplacer vers le Massif central, l'Alsace ou encore la Franche-Comté, emmenant avec elle de possibles averses de grêle. Partout ailleurs, bonne nouvelle, le ciel restera variable avec quelques rayons de soleil. Pour les températures, cet après-midi, entre 16 et 26 degrés, on attend 17 degrés à Lille, 18 à Paris, 19 à Strasbourg, 20 à Lyon, 23 à Marseille et la maximale pour Ajaccio en Corse avec 26 degrés. Vous vous débrouillez bien avec les moches, j'ai vu. C'est bien. Il y a des non, c'est une qualité dans la vie. Merci. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec dans une heure, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Malaisie. 14h45, rugby top 14, Clermont-Castres. 17h, Intégrale Foot Ligue 1, PSG Bordeaux. Et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Eric Dimeco est déjà dans les studios pour les grandes gueules du sport dans quelques instants avec Christophe Cessieux, mais il est temps d'écouter le journal de 10h présenté par Guilhem de Prévoisin. Bonjour Guilhem. Bonjour Serge, bonjour à tous. C'est le jour J pour le mondial de l'auto. Les passionnés de voitures se retrouvent porte de Versailles aujourd'hui, le salon qui dure jusqu'au 16 octobre. Charlotte Pironnet, vous êtes devant les portes du salon qui viennent de s'ouvrir et déjà beaucoup de monde. Oui, ça y est, les portes du mondial de l'auto viennent d'ouvrir et déjà autour de moi, plusieurs centaines de personnes s'engouffrent dans les entrées pour passer les contrôles de sécurité, montrer les billets qu'ils ont déjà pour la plupart achetés sur Internet avant de venir. Alors autour de moi, il faut l'admettre, il y a surtout beaucoup d'hommes venus en groupe et de partout en France. J'ai rencontré une bande de copains venus de l'Aveyron, d'autres de la région PACA. Et puis ici, les clichés ont un petit peu la vie dure puisque je vois beaucoup de papas venus avec leurs petits garçons, tous prêts à s'émerveiller devant les dernières nouveautés, car près de 200 marques sont présentes cette année au salon qui se déroule, rappelons-le, tous les deux ans en alternance avec le salon de Francfort. Mais petit bémol quand même pour cette édition, les marques d'ultra-luxe comme Lamborghini, Bentley ou Aston Martin, et bien Boud